Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Oh oui! Bienvenue à Puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis! Et oui, mesdames et messieurs, il est temps de parler jeu. Et là, je me demande, Andrew, est-ce que mon micro fonctionne? Oui, il fonctionne. OK, c'est bon, parce que je m'entends... Contrairement à toi, je m'entends pas très bien dans mes écouteurs. Alors, bonjour à tous, bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CJMD. Une méchante grosse émission cette semaine, mesdames et messieurs, parce qu'on va terminer avec nos différents chroniqueurs, un peu les suggestions cadeaux et top de l'année. On va vous parler, entre autres, avec on va parler avec M. Éric Lajeunesse, qui est en train de s'assassiner avec ses écouteurs. Salut Éric, comment ça va? Salut, ça va? Et là, de quoi qu'on va parler cette semaine à ta chronique Accords, bière et jeux? De la cervoise d'Alésia. Oui. Tiède. On parlera pas de bière, mais bien de cervoise. On va prendre la bouteille en photo pendant la première chronique. On va envoyer ça sur Facebook. Vous allez voir, la bouteille est assez impressionnante. Donc, on va y aller côté cervoise. Tout de suite, avant Éric, en fait, on va entendre l'entrevue que j'ai faite avec Pierre-Luc pour sa chronique sécurité. Les tendances sécurité informatique à surveiller pour 2014, c'est ce qui nous a fait. Encore une chronique très intéressante qui s'en vient. Après ça, on va parler avec M. Julien Materne. Comment ça va, Julien? Salut tout le monde, ça va bien? Ça va numéro un. Et là, toi, tu vas nous parler en fait de suggestions comic book. En gros, suggestions cadeaux. Pas nécessairement tout comic book. Vu que M. Castagan ici m'a dit, oh, tu sais, tu peux loger comic book un petit peu. Ben oui. Je vais être bien sûr. Moi, il est dans la thématique. Tu sais, Mondo, qu'est-ce que t'en penses? Numéro un. Parfait. Donc, un peu tout ce qui est comic book à acheter pour votre... votre geek chéri de la maison. Excellent. Et également, on va vous parler, parce qu'on a fait un petit test en fin de semaine avec M. Lajeunesse, pendant la chronique bière, en fait, là, on va vous parler un peu comparaison. Pas tant, on va beaucoup parler de la Xbox One. Là. Donc, parler de Xbox One avec Eric, et on va parler un peu d'un petit comparatif rapide avec la PS4 également. Et il y aura d'autres suggestions cadeaux tout au long de l'émission, de ma part et de celle de M. Castagan. On vous rappelle rapidement que l'émission Puissance Maximale, c'est tout d'abord un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez sur la page pour retrouver nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres. Allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement et vous allez appuyer sur le bouton j'aime. D'ailleurs, je dois souligner qu'on est à 8 personnes d'être à 300 j'aime sur la page. Donc, un petit blitz, mesdames et messieurs, de partage de la page de Puissance Maximale. Ça prend un beau cadeau de Noël. Tout à fait, on le prend en adresse, beau cadeau. Là. Donc, partagez la page, bien évidemment, auprès de tous vos amis geeks et même ceux qui ne le sont pas, qui veulent découvrir ces univers-là. Et comme à notre habitude, mesdames et messieurs, on va commencer en musique et on continue un peu dans la spéciale Noël. Et vous allez, Noël, temps des fêtes. Et là, évidemment, qui dit temps des fêtes, c'est commencé depuis très peu, pas longtemps. En fait, Ciné-Cadeau à Télé-Québec a commencé. Et qui dit Ciné-Cadeau dit Lucky Luke. Et vous allez entendre tout de suite dans vos oreilles la balade des Dalton à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. Amis, chantons la nouvelle aventure du paladin défenseur de la loi. Car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Quatre bandit assoiffé de richesse, distille un plan que le crime jalonne pour hériter d'un oncle mis en caisse. C'est la balade des Dalton. Joe le hargneux est le chef de la bande, plutôt petit mais bougrement méchant. Très explosif, il éclate sur commande d'un Lucky Luke, cité à bout portant. Il voudrait bien massacrer votre idole, mais Lucky Luke n'a besoin de personne pour étouffer d'aussi pauvres glorioles. C'est la balade de Dalton. William et Jack, le cœur grec de la troupe, s'unissent à Joe criant « Avrel, tais-toi !» Si leur frérot, en retard d'une soupe, veut exprimer une ânerie de poids. Car Avrel, le plus grand, le plus bête, s'éveille enfin quand l'heure du repas sonne. Cet omnivore ne connaît pas la diète. C'est la balade de Dalton. Nos quatre fous se ruent vers le carnage, obéissant à leur défunt tonton. Assurément, leur équipe est sauvage, les mène droit sans sursis en prison. Errant en plan chien bête, mais sublime, échoue malgré tout le mal qu'ils se donnent. Car les bandits ne font pas de victimes. C'est la balade des Dalton. Ainsi finit des Dalton la balade. Le quatuor se repose en prison, rêvant de coups, de vol et d'embuscade, en attendant la prochaine évasion. Petits écrans qui avaient de l'estime pour les brigands, les coquins, les filous. Si vous voulez réussir dans le crime, soyez d'abord très rapide aussi court. Soyez d'abord très rapide aussi court. Et oui, mesdames et messieurs, on continue notre lancée dans les top chroniques pour l'année 2013-2014. On a déjà entendu Diego et Chantal, mais là, on va entendre Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique. Salut Pierre-Luc, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Michael? Ça va très bien. Et là, aujourd'hui, pour la dernière émission de l'année, tu nous amènes une petite capsule 2014, en fait, les tendances sécurité informatique qui s'en viennent, les trucs à surveiller pour la prochaine année. Ouais, exactement. C'est 8 points là, que j'ai retenus, qui ont toutes les chances d'arriver en 2014. Donc, on va commencer, en fait, par le plus important, puis qui est aussi le plus évident. Il y a Edward Snowden avec l'information qui a exfiltré de la NSA. Donc, on a eu énormément d'informations en 2013 et ça reste le point majeur de 2013 en termes de nouvelles sur la sécurité. Et ça va continuer de l'être en 2014 puisque il y a juste une fraction de l'information qui était contenu dans les données là, qui ont été sorties par Edward Snowden, qui ont été publiées pour le moment. Donc, C'était vraiment dans le but là, de ils ont vraiment étiré justement question de permettre aux gens de digérer l'information parce qu'il y en avait tellement en fait qu'ils pouvaient pas sortir ça tout d'un coup, ça aurait juste fait en fait l'information ce serait pas en fait aurait pas eu le même impact s'il y avait tout sorti ça d'un coup. Bien, c'est ça en plus, puis au niveau de la NSA, là, on entend des nouvelles depuis quelques semaines déjà d'espionnage au niveau même des États-Unis pendant des réunions du G20, même en alliance avec le Canada. Et là, il y a deux semaines, je pense, on a vu une nouvelle sur surveillance de la NSA dans les MMORPG, là, dans les jeux vidéo en tant que tels. Il y a même du monitoring à l'intérieur des jeux. Donc, je pense que des grosses nouvelles, effectivement, là, je suis d'accord avec toi que ça va être la nouvelle à surveiller au niveau de la sécurité, ouais, au niveau de exactement. Vous en avez parlé la semaine passée aussi, justement sur le fait que les jeux étaient aussi monitorés. En fait, à partir du moment où c'est une plateforme de communication, ça peut être utilisé de toutes sortes de manières. Puis aussi, c'est connu. En fait, comme c'est un jeu, souvent c'est des jeux où il y a de l'argent, donc qui se promène. Hein. Donc dans le jeu, il y a des systèmes qui valent vraiment de l'argent réel. Et ben ça attire aussitôt qu'il y a de l'argent, ça attire toutes sortes de monde qui vont essayer d'exploiter des failles dans le jeu, par exemple, ou essayer de voler des gens carrément, soit en allant chercher leur mot de passe, puis en vidant leurs items. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment... là, il y a de l'argent, mais de toute façon, il va y avoir des escrocs qui vont essayer de faire plus d'argent que les autres. Donc voilà un sujet chaud à surveiller pour 2014. Et là, une autre, passons au point 2. En fait, au niveau de Windows XP, Pierre-Luc, la nouvelle est sortie il n'y a pas si longtemps, mais effectivement, pour ceux qui ont encore Windows XP, ça va être la fin du support. Ben oui, ça se passe le 8 avril 2014, donc c'est sûr qu'on va en entendre parler, c'est sûr que je devrais vous en reparler aussi dans ces dates-là. Donc l'impact est quand même assez énorme, parce que Windows XP, ben en fait, il y a eu beaucoup de, comment dire, les gens voulaient garder Windows XP pendant très longtemps. Avec Vista et tout, ça donnait pas le goût de changer non plus, là. Mais ben maintenant qu'on a Windows 7, tout ça... les gens peuvent ont un petit peu plus de sont un peu plus il y a plus de chances qu'ils aient envie de se mettre à jour. Donc c'est ça, c'est sûr qu'il faut y aller d'ici le 8 avril 2014. Pour les entreprises, c'est quand même une deadline qui est assez proche. On parle de quelques mois seulement, là, c'est même pas 4 mois en fait. Donc, faut se préparer. C'est pas des projets qu'on fait à la légère. Mais pour les gens à la maison, c'est relativement simple. À partir d'un backup complet là, de votre machine, vous serez capable d'aller chercher la plupart de l'information. Recréer votre machine comme elle était avant, mais ce sera plutôt en Windows 7 à ce moment-là, ou une autre plateforme, si vous décidez de changer de plateforme, ça peut être du Linux aussi. Ou même si vous êtes un peu masochiste, en Windows 8, qui sait? Ben ouais, vous pouvez aller jusque là, Windows 8 ou 8.1 là, qui était un petit peu plus près de, comment dire, de l'interface que 7 avait. Mais c'est sûr que ça, on s'en va vers là de toute façon. Tant qu'à changer, aussi bien changer vers le plus récent. Donc pourquoi pas. Parce qu'il faut rappeler, Pierre-Luc, que là, quand on a une plateforme, un système d'exploitation comme ça qui n'est plus supporté par la compagnie, ce que ça va faire, c'est que ça va créer des vulnérabilités au niveau de la sécurité, là, parce que les virus et autres logiciels malveillants vont continuer à évoluer, mais pas la protection pour ces plateformes-là. Exact, c'est ça. C'est que les vulnérabilités, sont probablement déjà là. La fin du support, ça veut dire qu'en gros, il y aura plus de mise à jour disponible pour ces plateformes-là. Donc, plus de mise à jour égale on ne referme pas les trous, les vulnérabilités de l'OS. Donc, à partir du 8 avril 2014, si vous trouvez une vulnérabilité dans Windows XP, elle restera toujours là. Donc, elle sera facilement exploitable. C'est sûr que les hackers, vont s'en prendre à ces machines-là, puis ils vont s'amuser, puisque de toute façon, ils savent qu'il y aura aucun patch sur ces machines-là. Donc, c'est vraiment... plus le temps avance après le 8 avril 2014, plus les machines sont carrément vulnérables là, puisque toutes les nouvelles vulnérabilités sont pas patchées. Puis on peut être certain qu'il y a des hackers qui travaillent déjà sur des vulnérabilités et qui vont les garder bien secrètes jusqu'au 8 avril 2014 pour les exploiter ensuite. Donc il faut se tenir pour dire à ce niveau-là, Pierre-Luc, il faut se mettre à jour pour notre OS. Si on a Windows XP encore aujourd'hui, il faut faire ça avant le 8 avril 2014. Oui. Point 3, M. Pierre-Luc, on va parler d'un sujet dont on a déjà parlé, les bitcoins, cette monnaie virtuelle dont on avait un peu vanté les mérites au niveau de la stabilité de la devise et tout. Mais là, qui parle monnaie, on en parlait tantôt dans le point 1, parle vol, parle contrefaçon. Mm-hmm. Ben, c'est certain que un bitcoin, c'est du vrai argent, mais en même temps, c'est du vent, parce que c'est juste des 0 puis des 1. Hein. C'est comme c'est que de l'électronique. Ça c'est beaucoup plus facile donc à voler. Il y a pas de monnaie physique de Bitcoin. C'est vraiment donc quelque chose en fait. La personne qui à qui appartient ces Bitcoins donc a une espèce de clé en fait, un identifiant et il doit garder en fait cet identifiant là le plus sécurisé possible. Donc c'est-à-dire le plus secret possible. Puisque en fait c'est la clé privée là qui doit être secrète. Donc s'il perd le contrôle de cette clé privée là, donc la personne qui a mis la main sur la clé peut revendre entre guillemets les bitcoins, donc se les mettre dans son portefeuille de bitcoins à lui, et donc légitimement les bitcoins seront à lui. Puis donc sachant que ces transactions là sont complètement anonymes, ce sera impossible de retrouver ces bitcoins à ce moment-là. Donc c'est juste le fait que ce soit de la vraie monnaie, c'est facile en fait pour un hacker d'aller chercher l'argent comptant. Contrairement à toutes sortes de façons de hacker où c'est plus compliqué, même avec des cartes de crédit volées, c'est plus compliqué. Puisque une carte de crédit, ben faut acheter quelque chose avec. Si on achète quelque chose, ben soit on achète quelque chose sur Internet, on donne une adresse. Si on donne une adresse, ben on donne un peu on donne trop d'informations aux autorités là. Donc juste là-dessus, c'est beaucoup plus facile par rapport au Bitcoin. On prend les Bitcoins puis après ça part dans le système puis c'est intraçable. Ce qu'il faudra aussi surveiller, Pierre-Luc, au niveau des bitcoins, c'est que je sais que le gouvernement américain, et je pense pas qu'il y ait seulement le gouvernement américain, peut-être l'Union européenne également, qui veut légiférer sur les bitcoins, justement, sur le côté anonyme de ces transactions-là, parce que on en a parlé aussi ensemble, peut servir avec ce genre de transactions-là à des organisations et personnes plus ou moins recommandables, disons. Ben oui, c'est ça. Le côté intraçable, c'est sûr que ça attire les gens aussi. Puis chaque pays en fait va légiférer un peu à sa façon. Là, pour l'instant, c'est un peu c'est carrément différent de pays en pays. Soit ils interdisent carrément ou ils veulent permettre, mais légiférer pour. En fait, ils vont surtout avoir du contrôle sur les points d'entrée puis de sortie. Donc tout ce qui va se passer dans le monde Bitcoin sera pas nécessairement surveillé. Ben de toute façon, on peut pas. Mais aussitôt que l'information sort, donc c'est-à-dire qu'on change nos bitcoins en argent, en vrai argent, donc c'est là qu'ils vont regarder énormément ce qui se passe. Okay. Excellent. Et là, autre point, Pierre-Luc, on va parler du cloud. Pour ton numéro 4, là, le cloud, par rapport à l'utilisation que les compagnies en font. Ouais, ben le cloud, ça reste toujours une tendance forte en 2014, que ce soit pour les compagnies ou pour les gens en général, les particuliers. C'est certain que malgré une certaine réticence que je vois ici en Europe, en France particulièrement, par rapport au cloud qui est principalement géré par des compagnies américaines, les Européens ont peur de mettre de l'information trop qui aurait trop de valeur et qui pourrait faire l'objet d'espionnage industriel là. Donc par les Américains entre autres, il y a vraiment une peur là-dessus. Mais tôt ou tard, en fait, vu les coûts qui sont beaucoup plus faibles, vu ben, les capacités, je sais pas, de mobilité que ça représente. Les compagnies vont avoir à prendre des décisions un peu à l'encontre peut-être de ce que l'équipe de sécurité recommande, puisque les coûts sont plus faibles. Donc, en fait, il va falloir choisir quelle information est-ce qu'on met sur le cloud. Quelle information on garde pour nous à l'interne, donc tout ça sous des contraintes de coûts. En entreprise, c'est vrai que l'argent, de toute façon, mène un peu la danse là-dessus. Donc c'est certain que il va y avoir, il va y avoir une continuité en fait du mouvement vers le cloud. Excellent. Et ben c'est sûr que ça va beaucoup beaucoup affecter ce qui va se passer au niveau de l'entreprise et aussi peut-être des modèles d'affaires, ça va peut-être venir jouer là-dessus justement avec ce genre de décision. Pour le point 5, Pierre-Luc, on va parler sécurité des infrastructures critiques. Ouais, les infrastructures critiques en fait, c'est un peu tout ce qui est lié ou connecté à Internet, mais qui est par exemple des centrales d'énergie nucléaire ou autres, des barrages hydroélectriques, des trucs comme ça. Donc parler peut-être de ce genre de services essentiels. À différents niveaux. Ouais, donc c'est des services qui au départ étaient pas nécessairement branchés sur Internet, mais qui donc rendent service à la population, qui étaient pas faites pour être branchés sur Internet, donc qui étaient pas faites de manière très sécuritaire non plus. Pour des municipalités, ça peut représenter des centrales de filtration d'eau ou de gestion de l'eau potable, des incinérateurs à déchets, des systèmes de contrôle de la circulation ou par exemple le métro. C'est des systèmes donc qui pourraient, s'ils sont branchés sur Internet, puisque souvent c'est le cas, être vulnérables à toutes sortes d'attaques, sachant que ce sont des systèmes qui ont été développés il y a très longtemps, puis donc qui auraient éventuellement des vulnérabilités, ça n'a pas été créé en pensant à la sécurité, c'était purement pour la fonctionnalité. Puis donc l'accès à distance par Internet pour gérer ces systèmes-là, c'est bien intéressant, mais en même temps, ça ouvre la porte à toutes sortes de catastrophes éventuelles. Surtout qu'on peut, des fois, on comprend les organismes, sachant justement les mises à niveau, que ça prend des fois les migrations vers d'autres systèmes pour rendre ça plus sécuritaire. Ça peut être un casse-tête pour les entreprises, mais c'est un mal nécessaire, disons. Exactement, mais ça reste toujours difficile. Je reviens à l'exemple, par exemple, des centrales nucléaires. Tu peux pas l'arrêter pendant une heure ou deux, le temps de faire ta mise à jour. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, donc le côté critique, puis ils veulent pas qu'il arrive quoi que ce soit de mauvais pendant la mise à jour. Donc c'est vraiment t'as pas le droit à l'erreur en fait. C'est ça le problème, c'est que t'as pas le droit à l'erreur lors de la mise à jour, mais en même temps tu peux pas ne pas la faire. Donc ils sont un petit peu pris là, de ce côté-là. Ils ont pas vraiment le choix, mais il faut que ça marche. Et pourtant, s'il y avait justement des attaques ou autres problèmes, là, vu la sécurité, on va ressentir les effets de façon assez réelle dans notre vie de tous les jours. C'est ça certain. Arrive, là. Ouais, il y a clairement un pont là, entre la partie purement électronique, échange de données, et puis le monde physique où là, une centrale nucléaire qui se fait hacker, ça serait pas une bonne nouvelle. Effectivement, donc à surveiller également. Ouais, on pourrait voir ça en 2014. Hein. Au niveau des infrastructures critiques. Et ouais. Pour toi, pour essayer, c'est Pierre-Luc que tu veux nous parler Internet des objets. Ouais, l'Internet des objets, c'est vraiment une tendance de plus en plus. On en parle beaucoup. On en a parlé en 2013, mais en fait, on en a juste parler en fait presque c'est vraiment c'est pas quelque chose qui est fait ça reste sur papier aujourd'hui de plus en plus en fait on pense que des produits qui sont carrément des objets de tous les jours pourraient devenir de plus en plus connectés, donc c'est ce qu'ils appellent l'Internet des objets, pour éventuellement gérer tout tout ce qui se passe dans sa maison, en fait, de manière automatisée. Puis, en fait, c'est ce qu'il appelle la domotique, là. Donc, oui. La science de justement de la gestion du au jour le jour, là, de tous les appareils qu'il y aurait dans notre maison. C'est vrai que c'est il y a un impact sécurité qui est beaucoup plus limité que les infrastructures critiques dont je parlais tout à l'heure, mais ça vient un peu de la même du même problème, c'est que c'est des choses qui sont pas nécessairement faites pour c'est pas pensé par des gens qui sont spécialisés dans la technologie, c'est purement c'est des objets de tous les jours, c'est des cafetières qui font le café à une heure précise, c'est des frigos par exemple qui savent leur contenu, qui connaissent leur contenu, des laveuses automatiques ça peut être vraiment n'importe quoi, mais donc l'impact sera quand même limité, mais on peut voir que moyenne là-dessus. Hein. Ça peut quand même jouer sur notre quotidien pareil. Là. Ça ne sera pas agréable, disons, non, c'est que ça, toute c'est notre ça. Installation soit déréglée, puis qu'on n'est pas nous-mêmes très, initié à tout ça, il faut faire venir une firme ou un technicien pour tout remettre ça à neuf. C'est des coûts aussi. C'est pas aussi grave, mais disons que ça va être assez déplaisant. Après, c'est sûr que le côté gravité, les exemples que j'ai donnés, c'est parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner, l'Internet des objets. Quels seront les objets? Puis je pense que ça ira beaucoup plus loin que ça, éventuellement. Et on va se rendre compte que finalement, les impacts pourraient être un petit peu plus graves qu'on pensait. Donc, il va falloir faire attention quand même. Il faut absolument que ce soit développé de manière à intégrer un maximum de sécurité. Puis, éventuellement, des patchs aussi. C'est un peu dommage de patcher son aspirateur, mais bon. Ouais, mais ça s'en vient, on dirait bien. Donc, ce sera surveillé également. Je pense que également. Ça peut arriver, ouais. Écoute, la chronique se termine déjà, Pierre-Luc. Deux points rapides pour terminer. Ton numéro 7, l'authentification multifacteur démocratisée. Qu'est-ce donc que ceci? On connaît déjà l'authentification multifacteur, c'est-à-dire qu'il y a Google, par exemple, qui peut faire ça, Twitter, tous les gros, en fait, les gros joueurs sur Internet font ça. On parle de... Donc, on rentre son mot de passe, puis en plus, soit on nous envoie un SMS ou on nous envoie un code par application mobile. Donc, ça, c'est sûr que ça va se démocratiser, ça va devenir normal, en fait, de s'authentifier avec son mot de passe d'abord et ensuite avec un code supplémentaire. Donc ça, je pense que en 2014, ça va juste être normal. Et ensuite, tout ce qui est donc mon point 8, qui est le point final. Donc tout ce qui est malware, bien sûr, qui va continuer à évoluer. On parlait de CryptoLocker, à ma dernière chronique. Il commence déjà à avoir des émules de CryptoLocker. Ça a tellement bien fonctionné. On parle de millions de dollars. Mais personne ne sait exactement combien, puisque justement, vu la nature des bitcoins, on peut pas vraiment suivre les mouvements, donc on sait pas vraiment combien d'argent ils ont fait. Mais sinon aussi, tout ce qui est malware sur les téléphones intelligents, bien sûr, là, c'est assez évident, mais ça va augmenter, puisque l'utilisation des téléphones intelligents augmente aussi. Également, effectivement, ce sera surveillé. On oublie trop souvent la porte d'entrée qui peut être un téléphone intelligent, pour ce genre de logiciel. Écoute, Pierre-Luc, merci beaucoup de nous avoir partagé, tes visions pour 2014, des événements qui seront à surveiller. Écoute, comme j'ai souhaité à tous nos collaborateurs, je te souhaite un joyeux temps des fêtes et surtout une très belle année ludique et sécuritaire dans ton cas 2014. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir été là. Merci, joyeux Noël à toi et à Andrew aussi. Merci beaucoup. Bye. Live it down by the park. La la la la la la la la. On va s'occuper de starter. La la la la la la la la la. Rassemblons-nous, réparons-nous. La la la la la la la la. Agressive-nous, avons plus de la la la la la la la la. Yeah. Live it down by the park. La la la la la la la la la. On va marquer, on va triper. La la la la la la la la la. Sortez mon gars. On va tout voir. OK, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Oh oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Redcore qui s'appelait bien évidemment Falalala, lala, lala. Et avant ça, on a eu Pierre-Luc et sa chronique. Et avant ça, la balade des Dalton. C'est du contenu, là. Ben, vous en avez, à Puissance Maximale. Et là, parlant de contenu, on va aller dans le contenu éthylique que l'on retrouve dans une bouteille, ma foi, fort affriolante, que j'ai posté une photo, d'ailleurs, sur le groupe Facebook. Vous pouvez aller voir ça. Et c'est assez... En tout cas, vous allez voir, on va goûter à de la cervoise, mesdames et messieurs. Pas de la bière, de la cervoise. De la cervoise. À la gauloise, avec M. Éric Lajeunesse. Salut, Éric, comment ça va? Salut, ça va? Ça va très bien. Et là, malheureusement, à cause de mon écran d'ordinateur, je te vois juste le dessus de la tête, mais quand même, bienvenue. Et là, on va jaser alcool, et là, on va jaser cervoise. Où est-ce que t'as pris ça? Au IGA du complexe Desjardins. OK. Quand même. Moi, en tout cas, vous pouvez aller voir la bouteille. Vous pouvez aller voir la bouteille sur la page Facebook. Moi, déjà, une bouteille en forme d'amphore, ça me gagne. Donc, sur l'étiquette, c'est marqué Alésia, Cervoise, Gauloise, 52 avant Jésus-Christ, l'ancêtre de la bière. Donc, voilà, je vous ai résumé, on parle d'un 750 ml à 5% d'alcool. Ouais, à peine. À peine. Donc, c'est doux, doux, doux. Puis, oui. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à Montréal, disponible aussi au dépanneur tout près à Lévis. Exact. Ah oui? Disponible un peu partout, mais en quantité quand même limitée. C'est pas des grosses brassées à la fois, là. Donc, présente-nous ça, ce petit produit-là, Éric. Ben, écoutez, c'est une cervoise, ça n'a rien à voir avec une bière. Hein. Pourtant, il n'y a pas de houblon là-dedans. Ressemblance marquée avec vin blanc, champagne, même un peu pour l'amertume. Il faut dire que côté amertume... Citronné, agrume, ouais. Beaucoup. C'est des herbes au lieu du houblon. C'est vraiment... C'est pas une bière. On est vraiment loin d'une bière. Ça sent pas la bière, ça goûte pas la bière. C'est plus un vin blanc sec, pétillant, c'est... Honnêtement, vous le savez, là, j'en bois pas mal. J'aime ça. Puis ça m'a comme... Ça t'a déstabilisé. Ben, pas mal, oui. Puis je le suis encore, d'ailleurs, à ce soir. Là. C'est... Ah, parce que toi, évidemment, tu goûtes à ces produits-là avant de venir à l'émission. Bien sûr. La semaine passée, tu as goûté à ça. Puis on parlait justement sur Facebook cette semaine. Tu te demandais si ton avis allait changer à ton retour... À ton retour, justement, lors de cette chronique-là, puis finalement... Eh bien, non. Mais est-ce que t'as apprécié? Est-ce que t'apprécies? J'apprécie, mais... Moyennement, on va dire. Moyennement. J'apprécierais plus si c'était moins cher, parce que c'est quand même un produit assez dispendieux. Pour le côté, je dirais, novelty de la patente... C'est intéressant au moins à essayer une fois. C'est ça, c'est une expérience. Oui, c'est ça. Au moins essayer ça une fois. Exact, exact. Mais c'est pas juste le prix de la chose. Hein. Tu pars pas sa ballonne là-dessus. T'sais, tant que ça, j'ai toi, tu crestes à Blanca. Non, je sais pas. Moi, ça ne m'arrangerait pas de partir ça. Ben, faut dire que moi, je suis pas difficile de partir ça à gauche. C'est un peu ça, fallait dire. Non, je suis liable, toi. Mais non, mais écoute, moi, je suis... Ben écoute, je vais te laisser nous présenter le produit. Parce qu'on rappelle que là, Éric, lui, c'est pas un tenu. Il vient à ses chroniques avec des fiches, tout équipé... pour nous présenter le produit. C'est un pro. Ah, c'est un pro, ça. Non, mais on essaie... Moi, avec mes petits bouts de papier... Non, c'est ça. C'est ça. On essaie d'être un minimum professional quand même. Là. C'est ça. Merci les gars, merci. J'apprécie. Sauf Julien. Écoute, t'en as quand même un verre, là. Ah, c'est ça, au moins tu peux y goûter. Merci. Ben, c'est ça, présente-nous l'historique de ce produit-là. Ben, écoutez, c'est Stéphane Morin, qui est un historien de la bière, qui a fait beaucoup de recherches, puis que, semble-t-il, a réussi à recréer une recette d'origine de la cervoise, la fameuse cervoise tiède. Non, la boîte tiède présentement, même. D'Astérix, oui, évidemment. Moi, je suis désarmé, là. Je suis vraiment désarmé, là. Tu sais, j'aime les bières corsées, là. Tu me connais, Mike. Oh, oui. J'aime beaucoup les bières corsées, les noires, les brunes, les affaires à 8, 9, 10% d'alcool. Celle-là, c'est du 5%, ça goûte. On goûte pas du tout le citron. Ouais. Le mélange d'herbes soi-disant secrètes, tant qu'à moi, ça goûte l'épinette. c'est sucré. Il y a une petite finale sucrée. Tu goûtes le miel. C'est vraiment... Écoute, ça me prend vraiment de coup. C'est vraiment spécial. Mais effectivement, côté les herbes, on le sent, l'agrume à 100%. Moi, je n'ai pas ça du tout. J'avoue que quand tu t'attends à la bière, là, ça toque pas mal plus que ça. Ça, on boit ça, puis c'est doux, là, c'est léger. Oui, oui, oui. Moi, je pense que ce que je pourrais me rapprocher le plus à la bière par rapport à ça, c'est la lèvre blanche, mais la mixée avec un vin blanc à bulle sec. Peut-être, ouais. Oui. Ce serait, comme pour faire une analogie là, facile à comprendre, ce serait le plus proche, selon moi. Ah, c'est... Oui, c'est un bon point. Mais j'avoue que, tu sais... C'est un bon point. Moi aussi, quand j'ai ouvert la bouteille tantôt, tout de suite, quand on se met le nez dans le verre... C'est peut-être pour ça que j'aime ça. C'est parce que la lèvre, personnellement, je trouve que ça goûte la merde. C'est vraiment dégueu, là. Mais peut-être avec le vin blanc sec, ouais, c'est probablement ça. Là. C'est peut-être pour ça que je suis comme... Je sais pas trop, là. Ah, je sais pas. Mais moi, ça affaire... Moi, j'aime beaucoup ça. Je suis pas... j'avoue qu'au début, c'est ça, quand on se met le nez dans le verre, comme j'allais dire, on sent tout de suite la différence. T'es prêt à l'assaut, hein? Oh, le nez est prêt à l'assaut les herbes, les agrumes, le citron, c'est... Mais ça, le bouquet est pas mal plus fort que le goût en bouche. Oui. Je trouve que ça attaque pas mal plus que ce qu'on a dans la bouche après. Ouais. Là. Mais ça en fait, moi, j'aime beaucoup ça. Andrew, si t'en penses? Ben, c'est bon, j'en boirais pas 42. Mais surtout à 750 ml la bouteille. Ouais, ben c'est ça, t'sais, j'en boirais une. Puis je dirais que peut-être une à partager. Là. Ah. Une occasion spéciale. Là, Mais moi, en tout cas, je pense que c'est moi qui apprécie le plus le produit autour de la table. C'est très bon, mais je suis un peu comme Eric. Ça joue pas dans le même pattern de qu'est-ce que je bois. J'avouerais que ça sent l'hybride. Sans farce, là, on a une couleur qui peut faire passer une blanche. Moi, ça, c'est une blanche... Claire. Blanche claire, avec vraiment une odeur particulière, mais vraiment... en bouche, c'est vraiment particulier. Réutilisons le mot, hein, particulier. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Mais vu que ça toque pas partout, ça, par exemple, des fois, il y a des bières que t'en boirais plus, t'aimes le goût. Tu sais, une fin du monde, là. Après trois, là... À toc. Tu commences à saturer un peu, même si la fin du monde est excellente. Trois grosses, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai fait à Baie-Saint-Paul, ça, trois grosses. OK. Ouais. Quand t'as fini à 3 heures, ça, bon, ben... Ouais. Tu vois, moi, c'était un party chez des amis avec mon petit pack de fin du monde. Je dis, Chris, Mike, tu vas avoir une grosse soirée. Wow, 1h15, j'avais bu mes 6 fins du monde. Ça allait bien. Je parlais fort et je n'étais pas ridicule. C'était quelque chose. Mais non, on n'est pas dans ce cas-là avec la Savoise Alésia. Léger au goût, léger avec le taux d'alcool également. Mais surprenant, effectivement. Pour continuer, justement, avec, évidemment, là, la chronique étant, je le rappelle, une chronique d'accord, bière, ici, Savoise et jeu. Il y a quoi qui vous vient en tête quand vous avez ça dans la bouche? Moi, je pensais que tu allais demander nos opinions avant qu'on commence à donner les jeux. Je t'ai demandé ton opinion. Non, mais c'est à la fin. Ben oui, c'est à la fin. Tellement pas. On parlera pas de la fin du film avant d'être rendu dans le milieu, franchement. Moi, une belle petite game de Age of Empire. Ah, ouais. Ouais, ça, ou Civilization, je pense que ça fitterait le bill. Je suis d'accord avec Civilization. Évidemment, dans le côté historique, là, on est dedans, là. Ça, c'est sûr et certain. Ah oui, c'est pas fou, effectivement. Ouais, ouais. Toi, Eric? Mais sais-tu que je le sais même pas? Ben Notre expert est démuni. Ouais, c'est oui, ça. Oui. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je me suis même pas. Je le sais juste pas. Mais moi non plus. Ça me sort tellement de ma zone de confort que. Non, comme... J'avoue que moi aussi, je suis déstabilisé. C'est niaiseux, là, mais j'ai d'avoir un flash à un jeu que je jouerai en buvant ça. Ça n'a aucun lien avec le style de bière, mais c'est juste parce que je m'imagine en train de jouer à ça. The Stanley Parable. Ah, ben oui. Le jeu que Diego a parlé. Genre de jeu qui joue What the fuck avec ton esprit, mais plus qu'on boit ça, puis on est comme What the fuck. Toi, ça ben, je trouve bon, que ça se marie bien, ça. Ah, ben oui, pourquoi pas. N'importe quel, je pense, j'irais dans le médiéval, bien évidemment, à cause du côté historique. D'ailleurs, Pierre-Luc Pelletier, qui m'écrit sur Facebook, il a pas goûté à la bière, mais il dit il est d'accord avec Civilization parce qu'il y a moins d'alcool, puis il faut se concentrer quand on joue à Civilization. Effectivement. Jeu de stratégie. Mais c'est ça, tu bois ça. Vous êtes faible. Mais c'est ça, moi, je la bois présentement, elle est tiède, puis elle est très bonne. Tu sais, il y a des bières, des fois, qui t'sais, moi, je suis un bon amateur de bières tablettes. Oui. D'ailleurs, j'ai été... Lundi, je suis allé confirmer ça au bar Kirouac à Québec. Un apôtre de la 50. Oh oui! Là, c'est ça, je suis allé boire deux bonnes grosses 50 tablettes parce qu'il faisait fret, Doir. Et comme je disais dans mon message, quand il fait fret, prends ta 50 tablettes. Moi, amoureux des rimes et de la bière tablette, c'est ça que ça donne. Mais c'est pour ça, moi je la bois, c'est ça. C'est pas grave finalement de la laisser sur la table pendant une longue partie d'un jeu, puis la laisser reposer comme ça, sans problème, ça va rester aussi bon. Je serais même tenté. Puis d'ailleurs, elle arrive bien avec du fromage aussi. Ouais, ben on a du fromage en studio, c'est pour ça qu'Andrew dit ça. Là. Mais je serais tenté de l'essayer chaude, pas bouillante, mais je sais, un petit peu, l'été un petit peu plus chaude. Là. Moins d'eau dans un coffre de char. Ben, pas nécessairement, non, okay. Mais... En GN. Ouais, ben oui, ben ça, évidemment. Ça se prête totalement, ben, puis pas une frigidaire ni glacière. Ou si non, tu penses ça. Que la bouteille va se ramasser, anyway, toi. Non, c'est ça. Dans moi, mon bedon. Moi, je garde la bouteille, je vais enlever l'étiquette, puis je vais amener ça, évidemment, en GN. Et voilà. Parce que, en plus, la mienne, celle que j'ai, il y a encore... parce que la bouteille est scellée à la cire. Oui, super, bonne idée. Ouais, ben, c'est pas une mauvaise idée avec le côté historique, sauf que le problème, c'est mais que c'est moins épais. C'est un twist en dessous. C'est un bouchon qui twist. Ce qui fait que... Puis il est en métal. Ce qui fait que quand on veut le défaire... C'est un peu du trouble. Moi, j'ai réussi à l'enlever. J'ai trouvé ma technique. Mm-hmm. Sauf que le problème, c'est que disons qu'on veut la conserver avec le beau bouchon en cire. Ben, ma technique, c'est pas une bonne idée. Non. Fait ou tu trouves 20 pouces comme j'ai fait la semaine passée. Ouais, c'est ça. Mais vu avec la bouteille en forme d'amphore, là, c'est une belle bouteille à conserver pour vos recréations historico, fantastico, ludiques. Mais non, c'est une belle bouteille. Mais le gros défaut de la bouteille, c'est que la cire est trop épaisse, ce qui fait qu'elle est difficile à enlever. Puis, ben, on peut péter, ben, comme percer le cap. Ce qui fait que. L'autre gros défaut de la bouteille, c'est qu'elle est chère. Ouais, ça, j'avoue qu'à 18 et quelque chose avec même les taxes. Elle est chère en sacrament. Ouais. 16 piastres la bouteille, taxes incluses, 18,36. Le produit est bon. Oui. Mais. Non, c'est ça. Il serait bien meilleur à 15 piastres. Mais sûrement. Tu sais, sûrement que ça vaut ça. Je veux dire, avec la fabrication, puis vu que c'est une cuvée. La recherche, c'est une cuvée puis blablabla. C'est ça. Sûr, là. Ça, on comprend pourquoi. Ouais. Mais quand même. Ça, c'est éveillé un peu. Ça ne doit pas inciter le consommateur à se lancer. Mettons à 12,5 plus taxes consigne, arrivé à 15, là, ça arrête de l'allure. Ouais, c'est ça. Mais à 15,99 plus taxes. Parce qu'on a des grosses bières. Ça fait mal, là. Des grosses bouteilles, là, de brasseurs qu'on peut avoir à 2 pour 10 piastres souvent. Exact. C'est que c'est plus tannant un peu, mais c'est quand même un produit différent. Ça vaut la peine de l'essayer. Moi, en tout cas, moi, je trouve que ça vaut la peine de l'essayer. Oui, absolument. Mais au pire, vous trouvez ça trop cher, achetez-le à 2. Parce que ça, effectivement, vous pouvez faire le saut au niveau du goût. Ouais. Mais ouais, moi, tout ce qui est GN, là, c'est pas une mauvaise idée du tout. Étant moi-même consommateur légèrement, bien évidemment, d'alcool en GN, j'avoue que ça serait une bonne idée parce que ça se boit bien, pas obligé d'avoir ça dans une glacière, que ça soit froid. La bouteille est décorum. Au pire, on peut s'arranger pour enlever l'étiquette, là. Puis, bon, oui, quand même, là, enlever l'étiquette. Et ça cogne pas, c'est 5%. Ça fait qu'il n'y a pas de danger de... Tomber le combat dans un fossé? Genre, ou d'être chaud, d'aller se battre avec des armes, puis de péter ça en face à quelqu'un. Ben, fils! Arrête de raconter ma vie. Non, tu sais, ça pourrait prêter à ça. Ouais, j'avoue que je vais prendre la suggestion GN pour cette cervoise... du nom d'Alésia, voilà. Et ben c'est tout. De mon côté, à moins que quelqu'un ait eu un flash pendant que je déblatérais. Ben, il y a juste Eric là qui n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de flash du tout. Ben, plus j'y pense, plus je me dis que les jeux de stratégie seraient... C'est ça. Fit parce que... Exact, comme dans un jeu de stratégie, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Un peu comme The Stanley Parable. D'ailleurs, Eric, si tu as une chance, essaye ce jeu-là. Tu vas faire un what de à chaque fois. J'en prends bonne note. On a Alex Carignan, là, un auditeur qui est dans le studio, là, qui fait des commentaires... Colorés. Non. Bon, pas si pire que ça quand même. Donc voilà, on vous parlait d'Alésia, la cervoise gauloise que vous pouvez retrouver dans vos bons dépanneurs spécialisés et dans notre cas, dépanneurs tout près qui est à Lévis. Il faut vous y rendre, bien évidemment, pour aller acheter vos bières de sélection. Cidre. Ils ont une grande sélection de cidre aussi. Il faudrait se faire une petite dégustation au cidre. T'aimes ça, toi? Mm-hmm. On pourrait se faire ça. En revenant des fêtes, pourquoi pas? Ça prend les grosses bières, le gros fort, le caribou, les flasques, un petit cidre pour calmer le tout, pourquoi pas? On va s'en reparler de ça. Game de TMNT dans le sous-sol chez Large. Genre, c'est pas ça qui s'est passé par tout samedi passé. Non, tu m'as abandonné, toi. Ouais, là, à un moment donné, je me suis tanné, là. C'est le fun, Teenage Mutant Ninja Turtle in Time, mais. En version arcade, bien évidemment, on avait une borne d'arcade, tu sais. Mais voilà, donc, surveillez ça si vous êtes intrigué par le produit. Moi, je vous encourage à aller l'acheter, allez essayer ça, ça vaut la peine. Moi, j'ai beaucoup aimé, voilà. Et Monsieur Castegan, on va passer en musique avant de revenir rapidement. Ben, pas rapidement, là, on va revenir pour parler de la Xbox One et de la PS4 tout de suite après cette chanson qui s'appelle Moses versus Santa Claus. Et oui, on parle de Epic Rap Battle of History. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM à Lévis. CJMD 96.9 FM. Moses versus Santa Claus! Begin! Sweet robes, oh man, one too many days in the sun. Stop preaching, homie, teach your flock to cover some fun. I bring joy every year, man, I represent cheer. You represent sandals and a scraggly beard. I'm from the North Pole, that's why my rhymes are so cold. I spit diamonds, but I'm serving up some fresh coal. You been a naughty boy, you brought a plague of frogs. You best arrest yourself, you broke your own law. Or was it something in Rule 6 I didn't understand? My lessons killed Egyptian dude, buried him in sand. I read your book, you got a strict religion. No bacon, but mandatory circumcision. I'm a jolly bowl of jelly, giving holiday presents. But all the chosen people ever get for Christmas is jealous. When I was high upon the mountain, God revealed the truth of the earth. But he never mentioned a fat ass Papa Smurf. It takes 9 reindeers to haul your fat ass. You took the Christ out of Christmas and just added more mass. You need to stop breaking the houses and creeping and peeping on naughty kids while they sleeping. And keep your hands off my stocking. Don't you ho-ho me, I split your ass in half like I did the Red Sea. You ain't a saint, you a slaver like a pharaoh in the snow. Stop with the unpaid labor and let my little people go. Hey, slaves! Let's turn your brains to mush. I think you need to stop smoking. And all that burning bush. Yeah, we're magical workers, man. We hang with reindeers. Yo, here's a GPS. Who gets lost for 40 years? You're a glorified secretary, so write this down. We got these nuts. Santa Claus is coming to town. So much drama in the Israel BC. It's kinda hard talking directly to the G-O single D. Hand me my chisel, I got a new command missile for y'all. Thou shalt not let children sit on a grown man's lap at the mall. I'll beat you 10 times before the bread can rise, you dummy. And walk off into the land of my milk and honeys. Who won? Who stands? You decide! Bonjour, je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Bienvenue à Puissance Maximale, on l'entend du monde se bécoter en ondes. Donc, il y a Andrew qui trouve ça drôle en maudit. Donc, re-bienvenue à Puissance Maximale. Le timing était parfait, on sentait l'amour dans l'air. Ah ouais, c'est clair. Après Moses vs Santa Claus, The Big Rap Battle of History. Donc, oui, ben, en fait, on a oublié de donner nos notes. Ben oui, regarde, je l'ai parlé puis tu l'as skippé. C'est ça, c'est parce que tu m'en as parlé, il m'en a parlé, qui me sac pas ça avec ça. Donc, ben vas-y donc, Andrew, avec ta note. Moi, j'irais avec un 80. 80%, bien évidemment. Ouais. D'accord, monsieur Eric. Ben, tu vois, première dégustation, j'ai scoré 78, puis là, je tourne plus autour du 70. Oh, quand même, une baisse de 8 points sur l'échelle de la jeunesse. Ouais. Fait que comme ça, Eric, t'auras aucun problème à donner un peu de ta bouteille à Alexandre Carignan. Pas tout. Parce que là, Alex est au côte, là, quand même. Là. Je constate que il en reste plus dans celle à Mike que dans la mienne. Ouais, mais toi, tu t'as donné des réserves dans le frigo à côté. Puis t'en as donné à Julien. Je fais jamais ça, voyons donc. Et ben pour ma part, ce sera 8 casques gaulois sur 10. C'est sur 100, la note. T'es toi. T'as jamais fait de maths, toi, hein? Ça cause, ça perd tout son charme. Non, non, c'est toi qui perds son charme. À chaque fois que tu t'ouvres la trappe. Tu fais ça à bitch à ça. C'était la dernière émission de l'année, j'ai compris. Tu feras ta mise en onde tout seul. L'année prochaine. Donc, voilà pour les notes pour la Servoise Alésia. Que vous pouvez retrouver, je le répète, dans vos commerces spécialisés. Et maintenant, on va parler de la Xbox One avec M. La Jeunesse, avec Andrew également. On va vous parler de la PS4 aussi, on the side. Donc, on est parce qu'on en a déjà parlé. Ben, on a joué un peu, en fait, parce qu'on vous répète ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chez Eric samedi dernier, une petite... Pas du tout boire, pas du tout manger pizza, puis pas du tout jouer à sa cabine d'arcade. Non, c'est ça. On est professionnels. Ce qu'on a fait aussi... je me souviens pas d'avoir bu. Non, c'est sûr qu'au début, tu buvais pas. Vu que tu étais en main de brosse, mais ah, bon. Okay. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on est allé faire. C'est qu'on est allé jouer chez Eric à la Xbox 360. Pas Xbox 360, la Xbox One. Tu sais, méchant nom bâtard, Xbox One. Je le répète, mais bon. Voilà. Mais on a testé quelques jeux et j'ai été agréablement surpris. Pas tant à cause de la Xbox One, plus que les jeux. Parce qu'évidemment, on a eu la chance de jouer à des jeux. Réellement next-gen. Ouais, c'est ça. Parce que, t'sais, contrairement à la PS4. Ils ont eu quand même certains bons jeux. Oui. C'est la Xbox One en vrai qu'on joue next-gen. Et j'aime ça entendre ça, contrairement à la PS4. Ah oui, ça arrive. Elle n'est pas parfaite, cette console, comme la Xbox One. On parlera pas de la reconnaissance vocale puis de la Kinect. On va venir à ça assez rapidement. Mais ça fonctionne très bien quand t'es pas 22 à hurler après en même temps. Alors, de quoi tu parles? On hurlait après un à la fois. On était juste 22 à y passer dessus. C'est tout. Oui, c'est ça. Mais au niveau graphique, impressionné, parce qu'on parle évidemment du Next Gen, mais Need for Speed, ouais, j'ai sans farce, assez impressionnant. Ben c'est ça, moi il était pas sorti au lancement Need for Speed sur la PS4, mais en même temps, sur le coup, je vais attendre que les notes sortent, fait que c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer sur PS4. Là, mais t'en as quand même pas mal de jeux, toi, Eric, que t'as acheté directement. Ouais, ben 5, 6. Ouais, ben, t'avais. Ben, j'ai eu la chance aussi. Need for Speed, Dead Rising. Dead Rising. Dead Rising. Battlefield. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Just Dance. Oui, Just Dance. Pour la madame. Ouais. Ouais, c'est toujours ça l'excuse. Ça en prend. J'ai vu Need for Speed. Moi, je dois dire que Need for Speed et Battlefield 4, là. 2 pouces en l'air, wow, ouais. Assez solide. Au niveau graphique, moi, j'ai vraiment hâte d'essayer Battlefield 4 version PC. Là. J'ai hâte de regarder ça et de tester ça. Attends qu'il tombe en spécial, hein? Non, parce qu'il tombera pas vraiment spécial, Battlefield. C'est vrai, il est pas sur Steam, lui, il est sur Origin. Non, c'est ça. Puis Origin, ça suce beaucoup, comme tout ce que fait EA, mais bon. Sauf Battlefield 4, apparemment. Ouais, mais c'est à cause que Battlefield, c'est un studio tierce. Voyons. Vas-y, studio tierce qui a fait le jeu, qui est publié par EA. Ouais, mais c'est ça, c'est pas EA qui l'a fait. Mais l'infrastructure. Une tierce, c'est un tiers. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ça a fait le problème, c'est que c'est l'infrastructure online qui habituellement, c'est gossant, c'est long. Même affaire pour Need for Speed, on a eu un. Pas pire problème au début. Non, pas du tout, voyons donc. On embarque, la machine est connectée en Wi-Fi, ça part. La première affaire que la machine fait, c'est vouloir nous envoyer en multijoueur, mais Christy qui était pas capable de trouver une partie, là. Mais en fait, on l'a essayé deux fois, finalement, Eric a déconnecté sa... On a disablé le Wi-Fi. C'est ça, puis après ça, on a pu tester, là. Mais impressionnant au niveau graphique, la manette, écoute, la manette de la Xbox One, je dois dire que... Ben, même la 360, la manette était... Personnellement, je trouve que c'est une des meilleures manettes de console. Tout à fait. Autant que j'ai une PS4, puis autant qu'une PS3, puis tout ça, ben, t'sais, j'ai toujours eu un faible pour la manette de Xbox. Malgré l'amélioration de la manette de la PS4, ça reste que la manette de la Xbox One... Elle se prend bien en main. Ouais, des deux, là, sans faire ça. Humblement, je dois l'avouer, là. Tu peux pas juste chier sur Sony, là. La manette de la PS4. C'est vraiment un gros step forward dans la bonne direction. Ouais, par contre, je dois dire que qu'est-ce que j'aime bien de la manette de la PS4 versus la Xbox, malgré que c'est pas majeur, c'est le poids. Ouais. La manette de la PS4 est beaucoup plus légère que Mais bon. Ouais, puis moi, tu vois, moi, je trouve ça poche un peu parce que j'ai l'impression d'avoir. Je sais pas, j'aime savoir de quoi dans les mains. Là, ben, moi aussi, mais tu sais, c'est juste parce que je trouve ça agréable quand une manette, tu prend quand même bien en main, mais sans être lourde. Mais tu sais, c'est à cause que je trouve que le poids de la manette vient beaucoup des batteries. Ouais. Au niveau de la Xbox 360, autant les manettes qui ont leur pack de batteries rechargeables que ceux qui ont des batteries 2A. Fait que tu sais, je regarde la manette de la PS4, qui a quand même une bonne autonomie en frais de pile. Je me dis pourquoi que Xbox n'ont pas pris quand même une technologie semblable aux batteries de la manette de PS4, parce que tu sais, c'est quand même des bonnes batteries qu'il y a dans ces manettes-là. Là, mais là, je pense que dans la manette Xbox One, tu me disais, Eric, qu'il y a deux moteurs. Deux Rumble. Deux Rumble dedans. Ouais, tu as des Rumble moteurs dans les gâchettes maintenant, qui te donnent du feedback vraiment quand tu tires ou. Comme dans Forza, par exemple, si tu roules sur la chaîne dans le gazon, des choses comme ça. Là. Fait que tu veux pas rajouter. Là, tu rajoutes du poids déjà. Puis la consommation d'énergie. Ben, c'est ça. Il y a de quoi quelque part. Là, mais... Non, mais des bonnes manettes, ça répond bien. Écoute, on va parler de la Kinect rapidement. Ça n'a pas été super concluant. C'est sûr qu'on était beaucoup en avant de la Kinect, mais quand même, elle nous reconnaissait. Ça prenait du temps avant de la configurer, par exemple. Elle avait de la misère à définir qui est-ce qu'elle écoutait dans toute cette gang-là. Ben, en fait, elle avait de la misère avec toi. Ouais, jusqu'à temps que je prenne une gorgée de bière. C'est spécial, pareil. Ouais. Hein? Mike, elle le voyait pas, il était... Puis pourtant, moi, j'étais le gars... transparent, tu sais. Puis le pire, c'est que j'étais le gars le plus arrangé tout croche dans le fond, dans le coin du divan, en petit bonhomme, puis lui, elle me détectait pas de trouble. Moi, elle me voyait pas, j'étais en face d'elle, jusqu'à temps que je prenne une longue gorgée de bière, puis qu'elle fasse « Oh, il y a quelqu'un là! » Voilà, je dis, c'est la console à Eric. Non. Mais non, c'est ça. Mais j'avoue que pour le mouvement, on a fait un petit test avec un jeu comme ça de sport, un démo qui venait avec la console, un jeu de jet ski. Sans farce, non, ça répond très bien. C'est sûr que tu fais pas des heures de gameplay comme ça, mais c'est amusant. Un petit jeu de party, justement, là, avec le. Avec Just Dance, c'est sûr que ça va paraître aussi là, quand on a une caméra qui répond bien et qui reconnaît bien les mouvements. Au côté vocal, en français, là, de la misère, hein, Eric, la Xbox? Ben, moi, tu vois, moi, j'ai pas de misère, sauf pour l'allumer. c'est un peu maudit pareil. Oui, hein? Oui, parce qu'elle reconnaît vraiment pas le Xbox démarré. J'ai essayé dans différents dialectes français, ça marche pas. Ça marche juste pas. J'ai un ami qui a reçu la sienne hier, d'ailleurs. Il l'a configuré en français, puis ce matin, il m'a dit « Xbox démarré, ça part. » Oh. Fait que c'est la mienne qui ben, c'est vraiment, pas, c'est vraiment ta console. C'est vraiment pas. C'est vraiment ta console parce qu'elle est peut-être... C'est ma console ou ma voix, ou je sais pas. Mais parce que si je la switch en anglais, puis que je dis « Xbox on », ça part. Ouais. Fait qu'il y a de quoi, là. Elle aime peut-être mon bébé. Meilleur ou je sais pas quoi, ou je sais pas. Sinon, écoutez, on a essayé Dead Rising 3 aussi. Dead Rising 3. Ouais. Oui, Dead Rising. Andrew, qui laboure, on peut dire comme ça, des volées de zombies on pouvait au voir. Rouleau compresseur. Disons, on pouvait voir que j'avais quand même un peu d'expérience de la franchise Dead Rising. Moi, foncer dans une meute de 200 zombies avec une masse, pas de problème avec ça. Pour les auditeurs qui ne vont pas en studio comme tout le monde qui pense studio, Andrew a un sourire quasiment un peu malsain d'une oreille à l'autre oh, en oui, ce moment. Oh, oui, oui, oh, oui. Moi, c'est pas compliqué. Simon n'aurait pas dit « Bon, ben, on va essayer quelque chose d'autre. Tu m'aurais perdu pas la soirée. » Non, c'est ça. T'sais, j'aurais même pas avancé story. J'aurais juste fait « Bon, ben, je vais me patenter des gars-gosses pour tuer des zombies. » Non, c'était encore une fois, là, au niveau visuel, numéro un, puis pour les, je pense, d'après ce qu'Andrew nous a dit, pour les amateurs de la franchise Dead Rising, ils vont trouver ce qu'ils veulent là, dans ce troisième opus. Ah, moi, sérieusement, pour le petit tease que j'ai fait, je peux pas donner une note officielle parce que je vais pas jouer assez, là, mais moi, là, je veux jouer plus. Eric, invite-moi, là, je veux jouer plus. Non, mais l'invitation est lancée, Eric. Pas de problème avec ça. Au pire, si tu trouves ça plate, tu vas t'en aller sur la machine d'arcade, tu vas battre le tout. Oh yeah! Ah, c'est ça. Parce qu'on s'entend que c'est une attraction, ça, cette bande d'arcade-là. Ouais, ben quand les gars ils ont joué à Madden, moi j'ai fait « Bon, Madden, moi je m'en... » C'est ce dont je voulais parler, justement. J'ai essayé rapidement Maiden, c'est 2014. Madden. Mais, moi j'ai connu. Maiden, c'est un band. Ouais. Madden, jeu de football. Ben voilà, j'ai été rectifié. Donc, le jeu de football, j'ai essayé ça. Ouais, chose patente. C'est vrai, les seuls jeux de sport auxquels je joue habituellement, bon, c'est difficile, c'est compliqué, mais bon, c'est ce que j'aime. J'aime bien le football américain. Et encore une fois, on réinvente pas la roue, mais au niveau graphique, on est ailleurs. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. On voit le grain du terrain, là, le grain du gazon sur le terrain. Au niveau des textures, sur les joueurs, On voit des super beaux détails. On est vraiment... Ça, on parle de trucs immersifs. Là, on est rendu là, dans les jeux, au niveau graphique. Ça nous aide à rentrer dans le jeu, mais là, vraiment... Ça, je veux dire, c'est ça, là, mais ça, dans ce jeu-là, on ne réinvente pas la roue au niveau du gameplay. Mais pour le graphique, on est ailleurs. Puis quand vous avez une bonne installation de son, comme chez Eric, on se créerait dans le stade. C'est fouette. Vraiment, vraiment dans l'ambiance. Puis on a aussi essayé rapidement le jeu, un démo de NBA, si je me rappelle bien. Ouais. C'est un démo. On n'a pas essayé, en fait. On a mis deux ordinateurs jouer un contre l'autre. C'est ça. Donc encore là, on ne réinvente pas la roue. Mais encore une fois, où est-ce qu'on va? C'est dans le step en avant au niveau du graphisme. Non, vraiment, mais vraiment impressionné. On a aussi essayé Killer Instinct. Ouais. Ouais, avec Jago puis Jago, parce que c'est le seul bonhomme qui sonnait dans le démo. Gratis. C'est ça. Mais écoute, la mécanique de jeu semblable à ce qui se retrouvait sur Super Nintendo. Surtout la même voix. Ouais, la même voix pour les calls de combo, là. Ultra Combo. Ou Combo Breaker. Ouais, ça, c'est le fun quand ça en réussit un. Mais non, c'était vraiment... moi, le seul problème du jeu, finalement, c'est... Son prix pour le nombre de personnages. Ouais, le prix disponible seulement en download et le nombre de personnages disponibles avec l'achat initial. Pour ça, il va falloir repayer pour avoir d'autres persos. Puis, pas d'arcade mode, pas de story mode. Ça commence à être pas beaucoup de viande. Il y a juste 40 piastres. Dans le fond, c'est un versus ou un survie. Survie, c'est que vous battez tout le temps, jusqu'à ce que vous mourrez. Il me semble qu'il y avait de quoi là, pour faire un story mode avec Killer Instinct. Là, moi, j'ai une réponse. C'est pas Rare qui s'en occupe. Non, c'est ça. Ouais. Microsoft sont trop occupés à dire à Rare, faites des jeux sac à neck. Puis là, ils ont fait, on va avoir un Killer Instinct pour le lancement d'une nouvelle console. Mais ils vont se battre, là, mais on veut pas vraiment de matière. Juste pour mousser les ventes au début. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui ont acheté la Xbox One à cause de Killer Instinct. Mais bon. Ben écoute, on a fait un comparatif rapide où c'est que la PS4 que Andrew avait amené sur place. Pour Assassin's Creed 4. Pour Assassin's Creed 4, moi au niveau graphique, c'est identique. C'est identique. La seule différence qu'on a vraiment remarquée pour utiliser le même câble HDMI, par le même ampli, les mêmes settings TV, t'sais, c'est vraiment tout ce qu'on a fait, c'est débrancher la One, brancher la PS4. C'est que les couleurs au niveau d'Assassin's Creed, était beaucoup plus terne, c'était plus sombre, c'était moins éclatant. Ouais. Au niveau de la PS4. Ouais, au niveau ça. De la PS4, ouais. Mais je sais, ben comme on avait parlé, Eric, sur place, je pense que c'est plus le jeu, la version, que les consoles. C'est consoles, ça, exact. C'est ça, on n'a pas eu l'occasion de faire un comparatif jeu next-gen versus next-gen. Peut-être dans un avenir prochain, on sera en mesure d'en faire plus. Ouais, exact, c'est ça. Là. Parlez-vous sur les jeux que vous allez vous rembourser. Puis, ouais, ben c'est ça, t'es tant qu'à avoir l'opportunité d'avoir deux consoles, puis que t'sais, on peut faire des tests justement là, pour faire la comparaison graphique des deux. Bon, tant mieux les faire. Mais t'sais, dans le cas d'Assassin's Creed 4, c'est qu'est-ce qu'on a remarqué? Mais je sais, par exemple, l'écart entre la version 360 et PS3, par exemple, il y a une méchante différence. Oh oui, non, ça... Si vous vous posez la question, là, oui, il y a une méchante différence. Puis on parlera pas de la version PC. Non, la version PC, c'est autre chose. Moi, je l'aime beaucoup, la version PC. Mais bon. Donc, voilà, écoutez, c'est rapide comme ça. On a testé des jeux en buvant quelques bières un après-midi entre amis. C'est ce que ça a donné. Donc, et puis... Pour le menu, rapidement, là, je veux dire, moi, j'ai pas détesté le menu de la Xbox One, pas plus que la PS4. Je préfère de loin l'interface de la One, parce que ça vient rejoindre le Smart Glass, le Windows 8. Ah, ouais, c'est conséquent. Oh, là, oui, ça se tient. Là. Eric, moi qui ai parlé de la Xbox One, je veux te demander ton opinion sur deux choses sur la PS4, puisque tu as eu l'occasion de l'essayer. Mm-hmm. J'aimerais avoir ton opinion sur Resogun. Excellent. Le c'est jeu, beau, c'est bon. Un petit peu rough sur mon système de son. Ah ouais, on se rappellera tous. Le sub. Ouais, c'est ça, on se rappellera où le sous-sol a frénétiquement vibré. Ton solage a dû se déplacer. Peut-être, ouais. Donc, c'est beau, c'est bon, c'est... Oh, c'est... Si vous avez une PS4, d'ailleurs, Resogun est le jeu Virtual Console de la PS4 actuellement. C'est un bon jeu de Bullet Frenzy. Oui, sans équivoque. C'est vraiment quelque chose. Et sinon, la deuxième chose que je veux ton opinion, c'est au niveau du gyrosenseur de la manette de la PS4. Ça fonctionne super bien. On l'a essayé, on l'a testé avec Flower. Oui, le super jeu Flower. C'est vraiment hot ce jeu-là. Excellent. Ben, je veux dire, c'est pas moi je l'aime parce que c'est un jeu artistique, c'est un jeu, mais c'est tellement beau. C'est un beau jeu, ça relaxe pour vrai. C'est fait par la même game que Journey. C'est comme lire un livre. Moi, je mets ça en avant de ça, je joue. Petite musique classique, détente, putain, c'est... C'est une belle expérience de jeu, je trouve. On joue pas 10 heures en ligne, on... Une couple de minutes comme ça. Tu promènes un pétale dans le vent. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que Eric est pas 100% honnête. Moi, oui. Mec, non, mais t'es tellement profond que je te vois même plus. Tu sais, c'est comme c'est quand on a essayé Assassin's Creed, tu sais, sur la PS4, tu sais. Bon, le harponnage de requin, tu sais. Ouais. La corde a passé à travers du requin. Ça serait pas arrivé sur l'Xbox One, ça. Fait que dans le fond, le PS4, c'est de la merde. Non, c'est ça. J'attendais juste le moment où Eric, je m'excuse. J'attendais justement le moment où Eric allait récupérer, dans le fond, ses couleurs. Là. Vous dire que la PS4, c'était de la merde, parce qu'on rappelle qu'Eric est un gars plein de nuances et de bonne volonté. Oui. En fait, c'est pas que je suis pro Microsoft, c'est que je suis juste... Je méprise Sony au plus haut point. Mais il faut dire que la compagnie, des dernières années, n'a rien fait pour se faire aimer, ça c'est sûr et certain. Non, pas en tout, tu sais. Ça, je l'accorde. Mais bon, on verra bien ce qu'ils vont faire avec leur PS4. Voilà! Donc, c'était notre verdict rapide comme ça sur la Xbox One. On va aller en musique, M. Castegan, parce qu'on a... On a filé la première heure de puissance maximale. On vous envoie le retour de Xor du Null Band. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Sera sa terre, où que ça reviendra, oui, que ça. château, aux tours immenses et noires, il se prépare à l'ultime invasion. À l'ultime invasion. Rituels atroces, abreuvés de pouvoir, font vibrer les guitares des morts. Tremblez mortels, car vous n'êtes pas de taille, et très bientôt vous rentrez sous le fouet. Everybody, this is Brenel Floss. You're listening to Puissance Maximale. Key change, mofo. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette chanson, après le retour de Xor du Null Band, et on s'en va en chronique comic book avec Monsieur Julien Materne. Ben oui, continue ta phrase, excuse-moi. Comment ça va, man? Ça va bien. Cool. Allez, parle. Mais là, tu vas nous parler d'autre chose que du comic book. On en a parlé en début d'émission. Tes suggestions, comic book et autres instruments geeks. Ouais, on s'était dit, cadeau de Noël, ben en fond, pas des comic bookeux en général, ont déjà leur comic book avant Noël. Donc, on s'est dit, ben, on va peut-être tirer plus large, faire qu'est-ce qui serait un beau cadeau pour des fans de comic book. Je vais commencer par les jeux. Les jeux vidéo. Ben, il y a deux très bons jeux qui sont cette année, dont Deadpool que Andrew va tester. J'approuve. J'approuve. Avec, écrit par Monsieur Wei, qui est celui qui a écrit la série Deadpool pendant presque 5 ans. Donc le jeu est conséquent par rapport à la série, mesdames et messieurs. C'est rare, ça. C'est très rare. C'est comme lire une BD. C'est exactement la BD. Parce que oui, je me suis tapé toute la série des Deadpool chez Julien. Eh oui. Ensuite, donc très bon jeu à la Devil May Cry pour ceux qui ont besoin de massacrer les choses, à tout va, avec un peu d'humour à la Deadpool. Ensuite, on peut y aller avec Batman Arkham Origin. Très bon jeu de la série, plus du même, dans le fond, ceux qui pensaient avoir... Si vous n'aimez pas la série, comme je l'ai dit dans la chronique, vous commencerez pas à l'aimer là. Puis si vous aimez ça, vous allez adorer ça. Peut-être un peu plus de bugs, par contre, ça paraît que c'est pas le même studio. Ah, okay. Des petits bugs que j'ai découverts à force de jouer. Genre, tu passes à travers des poteaux, puis d'en sortir... Ouais, ça c'est chiant. Just saying. Multiplayer quand même très intéressant, comme je l'avais dit. Puis tu vois, moi, le contraire, j'avais vraiment aimé Asylum, puis j'ai pas aimé la suite. C'était beaucoup trop open world. Je préférais le côté confiné d'Asylum. Eric, tu vas détester parce que le open world est encore plus grand. Par contre, l'histoire, je trouve que elle est un peu plus intéressante pour moi dans Arkham Origin que dans Arkham City. Quoique Arkham City était très épique vers la fin. Mettre ton poing dans la gueule de Strange à la fin, c'est plus que satisfaisant. ensuite, tant qu'à être dans Batman Arkham Origin, il y a une série de figurines qui est sortie récemment pour les amateurs genre du jeu ou du comic Batman. Des figurines très bien faites par DC Direct à autour de 20 ou 24$ dépendant que vous les achetez. 4 figurines sorties pour l'instant. Joker, Batman, Bane, qui est gigantesque, mais quand même au même prix que les autres, ce qui est très étonnant. Et Black Mask, que sur les photos de magazines chez Black Mask, Batman de Arkham Origin, DC Direct, vous allez le voir, sur les photos, il a l'air de rien. Mais en main, une fois sorti de la boîte... Tu dis ça parce que tu l'as acheté? Tout à fait. Sans regret. Julien, il a tout testé ses produits. Je salue David Alexandre du Parmi Guissu qui a fait la face la plus what the fuck du monde quand il a vu le bill qui s'est monté cette journée-là. Je pense que c'est un des plus gros bills qui s'est monté dans le mois. À son magasin. Ah, c'est ça. Donc... D'ailleurs, première issue, excellent magasin, d'ailleurs. Tout à fait. On en parle souvent à l'émission, mais c'est pas la référence en région pour le comic book. Là. Depuis 25 ans et plus. C'est ça, c'était depuis des années. Là. Une entreprise familiale. Donc, ces quatre figurines-là, pas trop chères. Pour ceux qui avaient les figurines de Arkham City et de Arkham Asylum, c'est pas mal la même chose, un peu plus articulé. Comme je dis, le bain vaut vraiment la peine à 25$ parce qu'il est immense pour le prix. Il y a 25$, on parle de quoi? Là? Des on 5, parle 6, 7, 8 pouces. 8 pouces, je crois, environ. 8 pouces pour la figurine moyenne. Le Batman est 8 pouces. Black Mask, 8 pouces. Okay. Joker, 8 pouces. Bane, on approche le 10-11 pouces. Tu sais, c'est plus que raisonnable. Hein? Oh, non, oui, c'est très raisonnable. D'ailleurs, DC Direct, qui a fait une conférence au New York Comic Con, c'est qu'on était gang de fous. Les scientifiques fous, on dirait, avec des sculpteurs fous qui les avaient présentés. Encore une fois, sur image, ça paraissait pas aussi bien, mais c'est vraiment des belles figurines. Donc, pour les fans du jeu et de la BD Batman. Et de figurines. Et de figurines en général. Très beau cadeau. À vous, on peut aller dans le Blu-ray. Ben. Parce qu'il y a quelques films qui sont sortis, pas dernièrement. On peut y aller avec Superman. Ouais, nous autres. Critique mitigée. Ah, ouais. Alors, tu vois, Eric, ouais, il n'a pas aimé ça du tout. Critique mitigée, je l'avoue. Oh, sacrement. le film avait des faiblesses. Hey, le film avait des faiblesses. C'est Man of Steel. Man of Steel, effectivement. Le film avait des faiblesses, mais quand même, j'ai hâte au deuxième pareil. J'ai hâte de le réécouter, moi. Je l'ai vu au cinéma. Je veux quand même le réécouter à la maison avec un fusil, une corde et un Tibet, tu sais, au coin. Ouais. Au cas que Tibetain aimait ça. Non, c'est ça. Puis moi, il partait, tu sais, quand il y avait déjà deux prises, 9-10 contre lui, il était en français. Non. Mais bon, c'est pas si mal que ça. Mais c'est sûr que si tu veux vraiment. Tu veux juger le jeu de l'acteur, c'est sûr que c'est certain que c'est en langage original. La seule affaire que j'ai pas aimée, c'est l'espèce de monstre à tentacule géant vers la fin que je trouve qu'il n'y avait absolument pas rapport. Mais ça, bon, c'était du remplissage pour que Lois Lane se promène puis elle a l'air cute en se battant contre des kryptoniens. C'était pas mal ça le but. Mais sinon, si on dit c'est un prélude à autre chose. Mettons-le comme ça. Comme j'ai laissé une chance à l'épisode 1 de Star Wars, on disait. Si tu n'entres en matière, ben je vais dire la même chose ici. Ouais, mais mettons que le prochain, c'est Batman vs Superman. Basé sur ce que Frank Miller a fait avec Dark Knight Return. Oui. Donc, la prochaine chose que je vais parler, pour ceux qui aiment pas nécessairement le style de Frank Miller en BD, ou... Moi, je l'aime, mais il modifie avec Superman. Mais, ouais, puis Frank Miller a un peu aussi sauté des plombs des dernières années, mais ça, c'est une autre histoire. Comme tout génie s'approche de la folie. Yeah, ouais. Ça pour dire que... À ce niveau-là, on peut aller dans le Blu-ray avec le film, l'adaptation animée de Dark Knight Return. Il est sorti une collection de luxe qui contient les deux parties. Très intéressant, très bien fait. Ils sont vraiment restés fidèles à l'époque, les années 80. C'est encore Nixon, le président dans le dessin animé. Les couvertures de BD, parce qu'à un moment donné, ils rentrent dans un dépanneur où c'est qu'il y a des BD. C'est Reagan, t'es sûr? Ok. Raison. Parfait, strike contre moi, merci. Et pas jusqu'à où? Bon, maintenant, t'as plus aucune crédibilité, Julien, on va te demander de quitter. J'ai plus l'immunité, désolé. Non, c'est ça. J'avais quitté cette année. Tu seras castré avec une aiguille rouillée. Mais tout ça pour dire qu'ils rentrent dans des panneurs, puis c'est vraiment les couvertures de BD de l'époque qui sont là. De grands classiques de l'époque. On a V for Vendetta, Watchmen. Dans un petit coin, c'est un petit clin d'œil, mais super intéressant. Très fidèle à l'histoire, un Batman magané, un Batman vieux qui avait pris sa retraite à la suite de la mort de Jason Todd. Sa retraite, sous-entendu, après la mort de Jason Todd, qui était à l'époque pas encore scripté par les... Jason était encore le Robin en action à l'époque. Okay. Donc, qui n'était pas encore scripté, mais qui était très sous-entendu par Frank Miller. Puis que soudainement se remet à redonner Batman parce que, un, la situation l'appelle, mais parce qu'il ne peut pas se débarrasser de Batman. Batman et Bruce Wayne. Bruce Wayne n'est pas Batman. Mm. Donc, c'est plus fort que lui. Il finit par remettre son saut et casser la gueule après tout ce qui bouge. Surtout, il a vieilli, donc il est beaucoup plus amer. Donc, à un moment donné, on a une scène, c'est que le Joker se prend un batarang dans les yeux et fait « What the fuck? What is wrong with you? Il faut que je me tape ça. Ben, c'est pas juste ça, spoiler, le Joker meurt dans ce film-là. Man, faut vraiment que j'écoute ça. Ah, c'est quelque chose de brutal, de grave. Oh oui. C'est... pour ceux qui veulent connaître la parce que c'est assez dur d'approcher une BD de Frank Miller, ceux qui veulent connaître l'œuvre de Frank Miller sans nécessairement avoir ouvert un livre de Frank Miller, c'est, je pense, une bonne entrée en matière. Donc, un excellent Blu-ray chez avec plein de documentaires, genre sur Frank Miller, sur Bob Kane, le créateur de Batman, qui est un être, ma foi, très excentrique. Il a créé que Batman dans sa vie, il a vécu que de ça, en disant « Je suis le gars qui a créé Batman », ça y a ouvert toutes les portes. I wrote Batman, go fuck yourself. Genre. Il a le droit. Ben oui. Quand t'as créé Batman, je pense que t'as le droit de dire ça. T'as le droit d'insulter les gens sans bonne raison. Effectivement. Et t'as Stanley aussi qui parle parce qu'il était ben chum avec, puis qui parle du fait que, ouais, mais toi, t'as inventé Spider-Man, moi, j'ai inventé Batman. Et qui était très condescendant envers Stanley. Même si c'est ses meilleurs chums. Non, c'est ça. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont intéressantes pour les fans de comics de Frank Miller et de Batman en général. Après ça, on peut aller avec Iron Man 3, ouais, qui est selon moi plus fort que le deuxième, moins fort que le premier. Beaucoup de monde ne l'a pas compris. Moi, c'est mon préféré des trois, bizarrement. Moi, je sais que beaucoup de monde ne l'a pas compris parce que beaucoup de monde n'ont pas lu les dernières années d'Iron Man avec Extremist. Ça, c'est tout est, dans le fond, si vous voulez comprendre le film, allez chez la BD du même nom, Extremist. Okay. Vous allez tout comprendre, les 10 dernières années d'Iron Man, Iron Man qui se bat contre des nanomachines, tout est là. Ben moi, déjà un super-héros qui a comme un choc post-traumatique, là, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'au bout de la ligne, Iron Man, c'est quoi? C'est un dude dans une armure. C'est ça. Puis en plus, en BD, il est alcoolique. À cause de ça, il n'est pas juste post-traumatique, il est alcoolique. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment... Moi, j'ai un Iron Man, un super-héros très humain, encore une fois. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le 3. Ça fait que bonne suggestion, j'appuie. Dernière affaire, si c'est un fan encore de documentaires, dans le Blu-ray, je veux dire, donc un fan de documentaires, vous pouvez acheter Necessary Evil, que j'ai pas encore vu. On m'a dit beaucoup de bien. C'est DC Comics, mais Warner, qui possède maintenant DC Comics, sort du vidéo à la semaine longue, quasiment, par rapport à DC, parce que les super-héros, ça va. Mais quelque chose d'intelligent, c'est un documentaire sur la place des méchants dans l'univers de DC, la création et la place des méchants. Qu'est-ce que le Joker fait? C'est quoi sa place? Pourquoi il a été créé? C'est quoi son rôle par rapport à Batman ou, mettons, Lex Luthor ou d'autres? Ils font une étude de monde qui ont joué ce monde-là, Mark Hamill et compagnie, qui ont joué ces rôles-là longtemps. Fait qu'on a un peu la place du... Tu sais, le point de vue du méchant qu'on n'a pas souvent. J'avoue qu'un sujet très intéressant également. Alors, une fois, j'écoute... Ça va coûter cher, cette histoire. Ah oui. Sinon, on va aller dans la BD plus classique, parce que je sais que oui, vous avez tous vos comic books, mais il y en a certains que vous n'avez pas encore eu, ou simplement vous voulez vous commencer, ou quelqu'un veut commencer votre entourage. Donc, mes suggestions de cette année, j'irai avec X-Men et All New X-Men, deux nouvelles BD de la série X-Men. Ben, c'est niaise à dire, on dit le titre X-Men, on dit ben, ça fait des années que ça roule, mais ils ont rebooté les séries cette année. Donc, All New X-Men, bizarrement, qui n'est pas nécessairement All New, parce que l'histoire de ça, c'est... On sait que dans les années, Cyclope est devenu un mauvais garçon, a pris un peu la place de Magneto dans le monde des X-Men. Donc, enfin, il voit une personnalité. Oui, effectivement. Moi, je le non, même pas. Ah, je te dirais même pas. Calvas. C'est toujours aussi drôle. On dirait Val Kilmer avec une soute, là. Ah! Pas chic. En moins gras, mais bon. OK, OK. Mais je disais, au niveau du jeu d'acteur, là. OK, ouais. Le gars qui est resté à rendre, un gars qui s'appelle Iceman Drab. Je m'excuse, dans Top Gun, il joue un gars drabe, puis il essaie de drôle drabe pour être drabe. Désolé, mais bon. Ça pour dire que c'est la solution magique que les X-Men trouvent, en dehors de Marvel, qui joue, on a un trou avec ça. Phoenix, reset, non. Ils ont fait, on va chier les vieux X-Men pour que Cyclope confronte Cyclope. Fait qu'ils ont chier le Cyclope adolescent, son team de X-Men original, pour confronter les X-Men actuels, pour dire... Gardez ce que vous allez devenir. Essayez de me convaincre de genre de... Quand vous étiez jeune, c'est ça que vous vouliez faire, puis là, vous êtes complètement dans le champ. Fait que, en gros, t'as Cyclope vs Cyclope, t'as Jean Grey qui est de retour, donc ça crée le bordel absolu, parce que t'as le Phoenix qui est comme revenu. Okay. On fait comme... on fait quoi? On se fait violer violemment. Genre, encore. Ce qui ouvre pas seulement la porte à Marvel de faire comme... Bon, ça marche plus, reset. Parce que l'excuse magique de Marvel pour tout, c'est... Bon, Phoenix... Non, c'est ça. Phoenix, ça règle tout. On recommence tout. On recommence tout à zéro. Ensuite, il y a la série X-Men, tout simplement, du nom du titre X-Men. Ce qui est intéressant, parce que c'est la première fois que le cast de l'équipe de X-Men est seulement des femmes. OK. Toute l'équipe, c'est toutes les filles de l'équipe, ils ont fait un team avec, pis c'est l'histoire qui suit ça. T'as Jubilee qui ramasse un bébé quelque part, on sait pas trop. Elle l'adopte, elle revient à l'école Xavier. Puis là, ben, les femmes de l'équipe essaient de l'aider puis de la faire échapper aux autres, aux gros méchants qu'on voit, parce que Wolverine, apparemment, est parti pisser. Puis les autres aussi. Ben, Cyclope est comme parti être Val Kilmer ailleurs, puis Wolverine est parti pisser, apparemment. Une excuse comme une autre. Et voilà. Donc, ensuite de ça, j'avais pour les fans de Spider-Man, un différent Spider-Man dernièrement, Supérieur Spider-Man, qui peut être intéressant. Je ne dis pas que la meilleure série, mais qui a un bon take sur Spider-Man. Dans le fond, c'est avant de mourir, le Dr. Octopus transfère son cerveau dans Spider-Man. Spider-Man s'amorce dans le Dr. Octopus, meurt. Donc, le nouveau Spider-Man et Dr. Octopus qui essaie de se racheter en étant Spider-Man. Fait que ça donne un Spider-Man extrêmement violent et arrogant. D'accord. C'est assez intéressant. Sûr que ça devient vieux très vite. Lisez le premier volume, vous allez comprendre la sauce, puis vous allez vraiment avoir hâte que le phénix, excuse magique pour que Peter Parker redevienne Spider-Man, arrive. Ouais. Ou n'importe quel, parce qu'on sait que dans le comic book, personne ne reste mort, sauf Jason Todd et Bucky Barnes. Les deux sont vivants. Faites vos conclusions. D'accord. Donc, Super Spider-Man, au moins lire le premier pour l'intérêt de novelty que ça a. On peut aller aussi dans les deux volumes d'Aquaman que j'ai recommandé chaudement dans la chronique. Ouais. Très intéressant par Josh Jones, qui va d'ailleurs lâcher la série dans pas long. Donc, on risque d'avoir trois ou quatre volumes en trade paperback. Ça peut continuer de bon. Sauf Josh Jones, généralement, c'est quand même un signe de qualité quelque part. On parle du gars qui a fait Green Lantern pendant 10 ans. Ben, dit qu'il a repris Green Lantern de zéro, qui n'était plus rien, puis l'a amené, ramené à culte, on peut dire. On peut aussi aller dans les... Ben, là, Harley Quinn, on va encore avoir sa nouvelle sa série mensuelle dans bientôt. Parce que DC, c'est enfin... Oui, on voit Eric qui est très content. Eric est excité. DC a décidé de ramener, encore une fois, céder sur la pression populaire et fait une chemue. Elle ramène Harley Quinn avec des très bons auteurs, mais pour en venir à la source, on peut peut-être aller avec ils rééditent certains trade paperbacks de l'époque. Donc, on peut aller y chercher Prelude and Knock Knock Jokes, qui est le premier. Dans le fond, les premières aventures d'Harley Quinn en solo. Puis le deuxième volume qui était... Il y a deux volumes sortis pour le moment. Ou simplement l'original qui s'appelait Mad Love, qui avait été écrit par Bruce Timm et compagnie, qui avait créé le personnage pour Batman The Animated Series à l'époque. Parce que oui, Harley Quinn ne sort pas de l'univers bande dessinée de DC, sort de l'univers animé de DC. Oui. C'est une pure invention de Bruce Timm parce qu'il avait besoin d'un pendant de Robin pour un épisode de Animated Series pour le Joker. Et finalement, ça a comme tellement pogné qu'ils ont gardé le personnage. Avec raison. Et ils l'ont intégré. Personnage vraiment intéressant. Et ils l'ont intégré au canon de DC. Donc, on va voir ce que ça va donner avec la nouvelle série. On n'est pas sûr. C'est un peu une bombe à retardement, je dirais, pour DC en ce moment. Mais il y a Amanda Conner dans la liste des auteurs. Oui, très bon auteur qui avait fait Power Girl à l'époque. Ah. Qui travaille sur quoi en ce moment déjà? C'était... Plusieurs choses. C'était pas Wonder Woman? Amy Comic Girls. Non, mais j'allais venir à Wonder Woman, justement. Depuis le New 52, Wonder Woman, une série très forte. Retour à aux bases un peu avec la grosse mythologie. Donc, très intéressant pour les fans de mythologie gréco-romaine, on va dire, parce que c'est très, très librement inspiré. Très intéressant. Faut aller se chercher. Illustré par Cliff Chiang. Oui, très, très hot comme illustrateur. Très, très sympathique aussi, le gars, on l'a rencontré au New York Comic Con. On peut aussi aller dans les affaires plus étranges comme Vertigo qui sort Coffin Hill récemment. Une série un peu sur la sorcellerie et le paganisme. Ah, cool. Un peu weird. Un peu à la Lark and Key. BD d'ambiance. OK. Mais sorti seulement en trois petits volumes mensuels, 3,50 chaque, mais quand même, vous pouvez ramasser les trois premiers et faire « Ah, ben tiens, c'est sympathique. » Pour les fans d'horreur et d'atmosphérique. Marie-Camille voulait que j'ajoute à ça de son artiste préféré et chanteur préféré, les Killjoy, qui est un peu BD les Killjoy, puis qui est fait par Gerard Way, ancien frontman de My Chemical Romance, un peu basé... Pense-moi ça. Je vais en parler. Oui, donc, le Fabulous Killjoy, ce que Fiston dit pas, c'est que il m'a demandé, « Hey, je suis pas sûr d'avoir assez d'idées, fait que trouve-moi-en. » Fait que, OK. J'ai proposé ça. Oui, la série des True Lives of the Fabulous Killjoy, qui est basée sur l'album concept de My Chemical Romance. Et si vous regardez également les vidéoclips, dont Grant Morrison participe également avec J.R. Way. Il y a un projet avec les deux auteurs qui s'en viennent bientôt. Donc, c'est un peu une petite collaboration parce qu'on voit que Grant Morrison a été la muse derrière Gerard, derrière le concept de la bande dessinée. Donc, on voit les personnages qui ont un peu la même physionomie que les deux auteurs qu'on retrouve dans un univers complètement déjanté en plein milieu désert dans Battery City où tu n'as vraiment pas le droit de faire autre chose que porter les masques de vampire qu'on appelle et d'être brainwashé, sinon sous peine que tu es vraiment... exécuté. Donc, c'est le récit d'une bande qui se rebelle contre les lois de la ville et qui ils vont suivre leurs aventures. Donc, c'est ça que ça raconte The True Lies of the Fabulous Killjoys. Excellent. Merci beaucoup. Écoute, la chronique se termine. Malheureusement, est-ce que tu avais encore quelques trucs rapides? Ben, rapidement, je peux dire un petit flash pour les amateurs de bande de jeux vidéo qui se lancent dans la bande dessinée. Il y a beaucoup d'adaptations de qualité maintenant en frais de bande dessinée tirées de jeux vidéo. Mass Effect, qui est écrit par le même auteur que Mass Effect 2 et 3, qui sont des excellentes BD. On a tout ce qui s'appelle Belly Diablo, que je n'ai pas encore lu. World of Warcraft a sa BD. Pathfinder à sa BD qu'Andrew pourra prendre nous glisser quelques mots. Qui n'est pas nécessairement un jeu de table, pas un jeu vidéo, mais ça reste dans le jeu. Oui. On a Uncharted, mais que j'ai trouvé assez ordinaire comme BD actuellement. Puis j'ai vu dernièrement Last of Us qui sortait une BD. Okay. Que je vais probablement acquérir bientôt. Et Diablo. Moi, je suis déçu d'une chose. Tu n'as pas parlé des Tortues Ninja. Ben, parle des Tortues Ninja, Andrew. Excellente BD. Si vous aimez les Tortues Ninja, c'est un must. Vous devez les lire. Allez-vous chercher ça. J'ai une dernière petite suggestion. Comme ils ont annoncé cette semaine, enfin, la deuxième partie de Sin City. Donc, je vous suggère d'aller vous chercher les comic books de Sin City par Frank Miller. Ça vaut la peine. Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Au niveau cinéma, là, on a hâte d'écouter, on a hâte de voir ça, ce film-là. Depuis le temps qu'on attendait. Là. Oh oui. Hey, merci beaucoup, Marc-Camille et Julien, de nous avoir parlé. Ben, ça fait plaisir. De trucs geek, finalement, au niveau du cadeau. Beaucoup de comics, beaucoup de films et de figurines. Merci beaucoup. Et on va aller en musique, M. Castegan. On va y aller deux tours l'une derrière de l'autre. Je me sens fou. Ça sera la danse à Saint-Dylan, tirée encore une fois de Noël dans la rue du groupe Raid. Et tout ça d'après un autre classique du temps des fêtes pour beaucoup d'entre nous, le jeune de la télé, le pudding à l'arsenic d'Astérix. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CJMD-FM 96.9 à Lévis. Soir, c'est long, on n'a pas grand chose à faire. On se dit, on fait une danse, on va danser chez bébé. On s'est trouvé une guitare, un salon des partenaires. Puis là, la soirée commence, il était 9h30. Entre mesdames, entre messieurs, Marie, Anna, sa belle robe, et puis Ronan, c'est Dieu bleu. Mon ami, c'est signé place, on déconne, c'est mon gars. Ça aime pas les choses à grâce, ça vient d'arriver du couvent. Y'a aussi Jean-Marie, mon cousin, mis mon ami. Comme Isabelle, la vie avec ses petits libérés. Le premier, comme on dit, comme un commis voyageur. Quand on danse à Saint-Ilon, c'est pas pour des embrassages. C'est horrible, ça va vite, il faut pas penser les bons. Il faut bien suivre le violon si vous voulez pas être sage. Aussi bien partir du suite, y'en a ni temps ni place pour ça. Tout le monde balance, et puis tout le monde danse. Jeanne danse avec Antoine et puis Jeannette avec Raymond. C'est pas bien d'arriver avec les reins à s'écrouter. Ça va passer la soirée à faire ensemble à s'amuser. Ça sent les jaloux, son amour et son ami. Qui est parti gagner sa vie, l'on m'en est dans du cas. Il est parti un bon samedi comme un maudit malfaiteur. On dansait toute la soirée, le brandy puis la plongeuse. Et le corps dans la cage, puis nous voulons passer minuit. C'est joli que tu collais, il a perdu son amoureuse. C'est fait dropper comme un cave, par moi fait mes plus beaux cris. Un dernier tour, la seule des dames va partir. À moi serrer la main plus fort, à me regarder. J'ai perdu pas du match au soir après la fin. J'irai du pain, j'irai du pont. Salut, pensez de moi, j'avais jamais viré comme ça. Le dos est tourné, mon amour et mon ami. Puis c'est l'autre qui s'est mis à la vérité. Comme une surprise, elle a compris, puis elle a dit. Les mentis, les jeux, j'y vais, ça traduit ton bonheur. Quand un petit gars de 5 silons prend sa course après une fille, il a fait virer si vite qu'elle ne peut plus s'arrêter. Pour un petit tas de violon, elle vendrait toute sa famille. Elle pensait que ça ne vient à 8, il y a la petite de la réalité. Puis on t'a qu'après une fille, sous la madeleine. Puis on t'a du bon bis, sous la madeleine. Ça est la fort, dans le corps. Et puis fais-y voir que t'es pas mort. Puis change de compagnie. CJMD 96.9. Branché sur Lévis. Ton Dans un grand bol de strychnine, délié de la morphine, faites dire à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en grain. Non. Ah, bon. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piédir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Ah, bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de grès, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non! Oui! Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des go loin. Yeah. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après le pudding à l'arsenic et... l'autre toune, là, la danse à Saint-Dilon de Raid, que vous pouvez retrouver sur les albums Noël dans la rue. Si vous avez des albums Noël dans la rue, c'est quand même difficile à se procurer. Et on va terminer cette émission, mesdames et messieurs, avec... autre musique. Ouais, c'est ça. Ben, mon piano roux, là, qui va parler un peu de nos suggestions à nous. Moi, je vais faire une suggestion bien plate pour certains, mais que votre geek préféré pourrait aimer du matériel informatique. Moi, je pense tout de suite à un Christy de disque dur externe. Moi, là, me faire donner un gros disque dur externe, ça réglerait beaucoup de mes problèmes. Au moins un tera. Au moins un tera, bien évidemment. Là, c'est rendu la norme, là. Mais des fois, les gens... Ça, c'est rendu 2 tera, la norme. Bon, ben, au moins deux, d'abord. Tu sais, il vend encore des 750, là. Ouais, moi aussi, j'en ai... Okay, c'est ça. Mais moi, j'en ai un, là. Mais ça prend ça. Ça va faire ça. On peut pas... Un geek qui est le moindrement équipé... PC, où il va juste être content de recevoir... Ouais, c'est indispensable. C'est ça, d'avoir de la place de plus pour son PC. Tu sais, des fois, on va chercher là, ben loin pour des accessoires hot, un bon disque dur externe. Ça peut faire la job. Ou un gros sac d'argent. Plein de disques durs externes. Ouais, c'est ça. Mais ça, geek, pas geek, un gros sac d'argent, c'est toujours le bienvenu. Surtout avec un signe de pièce d'imprimé dessus. C'est très important. Ben oui, là, on parle de sac d'argent. Puis toi, Andrew... De la porno gratuite, non, c'est une blague. Ouais, ça, t'as pas vraiment besoin de personne pour t'en donner. Mais non, mais toi, on a toujours un mononcle qui pogne tout le temps plein de virus. Là. On en trouve de la scène. On a pris download pour lui. Ben écoute, tant que ben, tu dis ça parce que t'es technicien informatique pis t'es tanné de réparer des ordinateurs, voyons, tu finis par le dire. Plein de virus louches. Ah, plein de virus louches. Là, tu répares le truc, tu survives. T'es-tu à la liste des... Non. Pas partout, je vais voir la météo sur le... Ah, des fois, je joue au casino. Non, c'est ça. Des fois, je vois sur le site de cartes. Non, mais la raison... Pourquoi t'as des cookies de totonjouflu.com? Non, c'est ça. Je suis au régime, moi, je mange pas ça, les biscuits, moi. Non, mais t'es où encore? Vous êtes sûr vous n'êtes pas allé sur un site porno? On va juste checker la météo là-dessus puis checker mes nouvelles. Oh, oui, c'est ça. Vos nouvelles. Donc... En santé personnelle. Achetez-vous donc du jugement hein, pour Noël. ça serait bon, ça aussi. Mais oui, bref, c'était une petite blague comme ça. C'est bon. Ben, en fait, je l'ai dit très rapidement, mais je vais donner plus de détails. Comme je disais, Julien avait suggéré des comic books, quelques-uns. Moi, je vous recommande fortement la bande dessinée des Tortues Ninja qui a été rebootée par la maison d'édition IDW. Je vous dirais que si vous avez écouté des BD, ben pas les BD, mais c'est écouté des BD, écouté des dessins animés quand vous étiez jeune, on est loin un peu de... Ben, surtout vu les films, en fait. Les deux premiers films, surtout ça, le premier était très proche. Là. Noir, ouais. Un peu. Tu sais, à l'époque où les Tortues Ninja étaient underground, tu sais, lancer un shuriken dans un œil puis tuer du monde, là, ben tu sais, c'était ça les Tortues Ninja à l'époque. Mais faut pas oublier que les Tortues Ninja ont commencé comme une BD, je sais... je pourrais dire, indépendante à la base. Donc, c'était pas lié à aucune grosse maison d'édition. Mais c'est surtout, lisez Ninja Turtles pour être encore plus déçu de l'adaptation de Michael Bay. Ouais, exactement. En fait, IDW ont trois branches au niveau de la série. Vous avez la série de BD qui est ongoing actuellement, qui est dans le fond la série en cours du reboot, qui est, ma foi, très excellente. Là, j'ai vraiment hâte que le prochain recueil sorte. Et sinon, après ça, ben il y a aussi IDW qui ont acheté les droits de rééditer les vieilles séries de BD. Je vous dirais deux choses. Premièrement, c'est pas mal moins violent que la série qui est en cours, parce que là, on va retourner un peu dans le côté enfantin de qu'est-ce qu'on connaît des dessins animés. Par contre, c'est des BD qui ont très, très mal vieilli. Fait que regardez ça d'un œil vieille BD des années 80. Là. Un œil averti. Un œil averti et les hors-séries où vous avez, dans le fond, là, les origines du Foot Clan. Et, dans le fond, les histoires annexes qui donnent des informations supplémentaires sur la série. Excellent. Et moi, une autre suggestion que j'ai, des fois, on pense pas à ça, mais vous, amateurs de trucs geeks et qui aimez sortir dans les événements, pourquoi pas offrir une passe à un ami qui veut se rendre à un événement, des fois qu'il n'y a pas tout le temps l'argent? T'es comme exemple, Geekfest Québec. Ben oui, Geekfest Québec s'en vient cet été. Il y en a des invités là, qui s'en viennent. Il y en a déjà d'annoncés, dont nous autres, vos fidèles forces serviteurs, qui vont faire une émission de 3 heures. Ouais, devant public. Là-bas. Avec là, on est en train de réunir pas mal toute l'équipe de Puissance Maximale qui seront sur scène. Il y a une personne à date qui vient pas. Ouais, c'est ça. Pierre-Luc, malheureusement, puisqu'il reste dans les vieux pays, ça va être un peu compliqué. Mais on devrait tous être là. Donc, Geekfest Québec pour cet été et plus près de nous pour le moment, G-Anime qui s'en vient au mois de janvier, dont la précommande... Achetez les deux. Ben oui, ben pourquoi pas, sans farce, ça vaut la peine. Au niveau de G-Anime, la prévente de passe se termine le 30 ou le 31? Le 31 décembre. Donc, allez vous chercher ça. C'est le joueur du grenier qui est là. Le joueur du grenier, gros invité. Puis là, il y a Julien là, qui capote parce que c'est lui qui va s'en occuper sur le floor. Attends, pour une activité. Celle que j'anime, c'est G-Anime. Ah, OK. Pas grand chose de gros baka, mais ça, j'ai le testeur alpha avec moi, puis ça reste d'être assez violent. Ben, souvent, pour ceux qui connaissent l'activité, c'est bon. Avec Endo qui se prend avec un casque ou un système de son. C'est supposé être un ghetto blaster. Donc, voilà, G-Anime qui s'en vient pour le mois de janvier et Geekfest Québec et d'autres événements qui se promènent à la grandeur du Québec et autres. Si vous avez, voulez inviter des amis, pourquoi pas vous lancer? Et puis, en plus, pour, quand on parle de Geekfest Québec, là, on parle de 15$. Là. Je veux dire, c'est pas cher payé pour le genre d'activité que vous allez avoir là, puis pour le type d'événement, ça vaut vraiment la peine. Donc, allez donc acheter une passe à un de vos amis pour lui offrir. Les préventes sont déjà en cours, d'ailleurs. C'est ça. Donc, rendez-vous sur le site. Et le site, Andrew, qui est? www.geekfestqc.net. Excellent, merci beaucoup. Très important de mettre le www, sinon ça ne marchera pas. D'accord. Donc, puis pour G-Anime, si je me rappelle. G-Anime.ca. Voilà, tout simplement. Merci. Parce qu'on connaît le président et il tenait à son .ca. Oh oui! Donc, c'est ça. Donc, pourquoi pas aller vous acheter des billets pour vos amis et vous-même, là, par la même occasion, pour ces événements qui s'en viennent. Sinon, Mike, une petite rafale de jeux vidéo, parce que je sais qu'on a des joueurs, pas des joueurs, mais des auditeurs qui veulent nos suggestions de jeux vidéo pour le temps des fêtes. Je dis sans hésitation BioShock Infinite. Surtout qu'en plus, le DLC est sorti où vous faites un retour dans Raptor et il y a des éditions à cette heure avec le fameux code DLC pour pouvoir l'avoir à l'achat du jeu. Donc, si vous ne l'avez pas, un must. Sinon, si vous avez BioShock Infinite, ben achetez le DLC pour votre amoureux ou petit frère ou peu importe. Petit frère ici, ben, il est noté de plus de 18 ans. Sinon, dans le fond, je dirais BioShock Infinite. Sinon, je recommande sans gêne Assassin's Creed 4, toute plateforme confondue. GTA V, sans hésitation, qui va avoir d'autres contenus au niveau de 2014, au niveau du single. DLC qui a été annoncé la semaine passée, si je me rappelle. Oui, la semaine passée. Voilà. Sinon, si vous êtes rôliste et que vous n'avez pas encore de matériel pour jouer à des jeux de rôle. Pathfinder, sans aucune hésitation. Rise of the Rune Lord, très intéressant au niveau de la quête, mais armez-vous de patience, car c'est une quête, ma foi, très longue. Et vous avez aussi Chuckles and Shackles, le jeu de la campagne de pirates. Et aussi, si vous êtes un amateur de jeux de table au niveau de tactique War Machine, un jeu inspiré de Warhammer, mais à un prix achetable. Donc, je vous le recommande. Ça coûte 40 pièces, tu peux jouer une game. Ah, c'est bon. Donc, très intéressant, les figurines très bien détaillées avec un... Steampunk. Oui, steampunk. Il y a même un jeu de rôle de ça qui s'appelle Iron Kingdom. J'ai feuilleté le livre. Très, très, très intéressant comme jeu de rôle. Et sinon, pour compléter jeu de plateau, je recommande fortement Zombicide. Oui. As-tu vu les nouvelles expansions? Oui, ça va être malade, la saison 2 de l'expansion, au centre d'achat, là, malade. On en a parlé avec Chantal lors d'une émission précédente. Il y a deux expansions. Puis mon niveau... Centre d'achat et Prison. Mais la prison, c'est un stand-alone, tu peux jouer tout seul. Oui, mais on peut le fusionner aussi. Aussi. Moi, au niveau du jeu de rôle, pourquoi ne pas acheter un beau kit de dés, tout simplement, à vos amis, ou des accessoires le fun, des fois, en jeu de rôle, des decks de cartes pour les critiques, pour les fumbles, des maps, des ajouts, des fois, comme ça, ou des figurines, une belle petite figurine, une miniature. Les pop, très bonnes, des petites figurines rigolotes à moins de 15$, dépendant de où est-ce que vous l'achetez. Il y en a des Tortues Ninja merveilleuses, je les adore. Donc, c'est ça, puis pour les miniatures, là, vous avez le choix d'en plomb, il y a des nouveaux trucs en résine, maintenant, pré-primés pour la peinture, flexibles, que vous ne casserez pas. Donc, voilà. Et une dernière suggestion, monsieur, rapidement. Je suis sûr qu'Éric va être d'accord avec moi. Si vous êtes en appartement ou en maison et que vous avez un amoureux amateur de jeux et de bière, pourquoi pas le gâter en lui achetant un frigibière. Donc, petit frigidaire pour lui permettre de ranger sa boisson. À même le divan. À même le divan ou encore dans la même pièce que son centre ludique. Tout homme ou même demoiselle qui apprécie les alcools pourrait apprécier ce type de cadeau. Et voilà. Merci beaucoup, M. Castegan, pour cette dernière suggestion. Et c'est déjà la fin de Puissance Maximale pour 2013, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier tous les gens qui contribuent à l'émission tout au long de l'année. Je remercie M. Éric Lajeunesse qui est passé pour nous parler de Cervoise gauloise cette fois-ci et qui nous reviendra en 2014. Absolument. Avec le dépanneur tout prêt pour les chroniques accords, bière et jeux. Merci beaucoup, Éric, d'être passé. Monsieur Julien Materne, merci beaucoup d'être passé pour les comic books de retour aussi en 2014 pour nous parler comic book encore une fois. Non. Non, ça fait plaisir les gars. Joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup Julien. Merci à Marc-Camille aussi qui l'accompagne à l'occasion. Merci d'être passé à l'émission. Ça fait toujours plaisir d'être une voix hors champ. Merci beaucoup à Diego, Pierre-Luc et Chantal qui sont là également à l'émission. Merci beaucoup. On vous souhaite à vous aussi de joyeuses fêtes et une bonne année 2014. Merci beaucoup, Drew. D'être là depuis déjà 2 ans et demi ensemble. Ben oui, permets-moi de faire une petite parenthèse rapide. Deux parenthèses rapides. Premièrement, oubliez pas Bingo Geekfest 21 décembre. Encouragez l'événement, activité de financement et en même temps 25 prix pouvant aller jusqu'à une valeur de 70$. Ça vaut la peine pour un 20$ pour pouvoir jouer au Bingo. Et en même temps, deuxième parenthèse, Monsieur Michaud, merci d'être l'animateur de l'émission. Ça fait tellement plaisir. J'ai fait une fois une émission tout seul et je me rends compte que tu es une partie importante du puzzle. Ça fait plaisir. Et donc, je rappelle, mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur. Allez au www.puissancemaximale.com pour écouter nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Rendez-vous sur Facebook, Puissance Maximale, dans la barre de recherche pour nous trouver facilement. Il nous reste 8 personnes avant d'atteindre le 300 likes. Appuyez sur le bouton j'aime et partagez-le auprès de tous vos amis, évidemment, pour qu'on puisse recevoir le 300 pour Noël et pour le jour de l'an. Et je vous souhaite, comme à mon habitude, cette fois-ci, une belle année 2014 ludique. Warriors who terrify, it's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, yeah. Sport, musique, politique, talk, 100% Lévis. CJMD, la radio de la Rive-Sud.